Bienvenue à tous les auditeurs dans ce nouveau volet des Pod-Calais. Aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau de la littérature cinématographique, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on va commencer à s'attaquer à un gros pavé qui s'appelle Indiana Jones. Indiana Jones, donc l'homme au fouet au chapeau, hein, t'es dit. Pour notre chaîne secondaire des boules et des chaînes. Héros de notre jeunesse, on va dire, parce qu'on a quand même suivi ses aventures, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et pour moi, un peu plus sur l'écran des jeux vidéo, ou dans les comics, ou dans les romans. Ça, j'en parlerai un petit peu plus vers la fin. À mon niveau, moi, ce sera plus donc les films. Ouais. Un peu la série que j'ai découvert très récemment. Ouais, et puis quelques avis, mais pas les miens, malheureusement, sur les jeux vidéo aussi. Et puis, donc, je pense que ce sera un dossier qui sera bien complet. Comme ce sera notre deuxième dossier de la saison 4. Hein, on a déjà la saison 4. Bon, donc, déjà, on remercie nos 10 abonnés. Pour commencer, dont moi. Va remercier papa, maman. Va remercier tout le monde. Il y en a que 10, ça va. Ça le grand vite. Microcosme de Chiron, on va dire. Non, pas d'adresse après, nos fans ils vont nous harceler. Et il faudra ouais. aussi revenir un peu sur les produits dérivés et l'univers étendu, mais ça sera plus, on va dire, à ton niveau, puis j'essaierai un peu de m'adapter. Comme je disais, c'était les romans et les comics, surtout la matière littéraire qui est sortie en France, parce que si je commence à parler des États-Unis, il y a une fournée, il y a un panier incroyable. Il y a autant, on va dire, d'univers étendu dans Star Wars que dans Indiana Jones. Non, c'est pas aussi puissant quand même. Je dirais que ça c'est moi, mais je préciserai quand même les choses tout à l'heure, si tu veux bien. On n'aura pas Indiana Jones contre le Terminator. Oh, c'est nul. Non, on n'a pas de crossover. Par contre, c'est bien que tu me rappelles, mais il y a pas de crossover dans Indiana Jones, par exemple, qu'on peut avoir. Mais on est complètement hors sujet. Et on a déjà attaqué. Ouais, moi, je propose plutôt peut-être qu'on va en fait commencer par les aventuriers, le premier film qui est sorti en 1981. Ouais, comme ça, on attaque d'abord les films que tout le monde connaît, les trois films. Parce qu'il y en a eu trois. Hein. Genre de questions que j'avoue qu'il y en a plusieurs. Et puis après, on va revenir sur le. On parlera du 4 parce que je crois que le 4, il y a beaucoup de choses à dire sur le 4. Mais on va commencer tout de suite parce que de toute façon, si on voulait faire cette émission, c'est aussi parce que c'est les 40 ans de Indiana Jones. Hein. Donc bon anniversaire à Harrison Ford. Ouais, Harrison Ford, Steven Spielberg. Steven Spielberg, et surtout Lucas. La franchise Indiana Jones. Ouais, donc la franchise donc le premier film qui est sorti en 1981. Alors moi, je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai revu dans le cadre d'une ressortie, c'est-à-dire juste avant la sortie du deuxième, le Temple Maudit. Bon, est-ce que je commence un petit peu par les anecdotes, comment c'est un peu construit le projet, c'est-à-dire que on commence très tôt en 1973, c'est-à-dire que Lucas, lui, il est un petit peu inspiré par tout ce qui est serials et tous les personnages des années 30-40 où je vais préciser ce que c'est un petit peu le serial, c'est en fait c'est un film qui est divisé en plusieurs parties et qui était diffusé avant un film de plus longue durée. C'est un peu l'ancêtre de la série, quoi, en fait. Ouais, j'ai envie de dire un peu comme les épisodes de Doctor Who dans les années 60, c'est-à-dire que plusieurs petits épisodes de 20 minutes, ensemble font une seule œuvre. C'est ça. Et toujours à la fin de ces 20 épisodes, on avait toujours un cliffhanger, ce qui obligeait un petit peu le spectateur, on va dire, à revenir en salle la semaine suivante pour voir la suite. Quoi. Pour voir la suite, comme ça que si on arrivait à accrocher, on était déjà bien dépendant, on va dire, du truc pour devoir le suivre. Un peu comme ils font de façon avec les séries de maintenant. Ouais, c'est ça. Donc les séries des années 40, et puis il y a surtout un sérieux qui a tapé dans l'œil de George Lucas, c'est le sérieux de Zorro. Parce qu'il y a une scène dans le sérieux de Zorro qui est marquante, c'est cette scène où il poursuit à cheval un camion. Alors ça t'évoque une scène dans le film d'Indiana Jones, justement, cette scène où il poursuit les nazis en cheval, les nazis qui transportent l'arche. La bête contre la machine. Donc voilà, cette image, ça le marque fortement, Lucas. Et, bon, tant qu'il va pas de lien en lien avec des singes, moi tout va bien. Non, mais ça, c'est pour plus tard. Lucas, lui, il est fortement inspiré. De toute façon, Lucas, on voit bien que c'est la culture populaire qui est marquée par ça. On sait que Flash Gordon a fortement inspiré Star Wars, évidemment. Ça, on y reviendra dans un gros dossier qu'on va faire l'année prochaine. Il y a aussi plein de personnages qui apparaissent entre-temps, mais lui, Lucas, il se focalise sur tout ce qui est sérieux d'aventure et de figures d'aventure, un petit peu comme Alan Quatermain. Je sais pas si t'as un petit peu entendu parler d'Alan Quatermain. Oui, je connais beaucoup les Alan Quatermain, mais plus celui avec Patrick Swayze, désolé. Et un avec, je sais plus lequel. C'était Richard Chamberlain que tu l'as vu, celui-là. Ouais, j'en ai vu deux en fait, Alan Quatermain, trois si on compte la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Sinon, il y avait un film qui était sorti avec Stewart Granger dans les années 50, et ça s'appelait Alan Quatermain, les mines du roi Salomon. Et ce film, il y a une grosse influence sur Indiana Jones, justement, déjà. Mais tu vois, il a su s'en inspirer, on va dire, mais pourtant, il a créé carrément une mythologie derrière. Tu vois, il s'est pas fait qu'un vulgaire copier-coller, il a carrément recréé un univers derrière. C'est un peu la même démarche qu'avec Star Wars, hein. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de codes des serials, d'ailleurs, Flash Gordon était un serial, et Buck Rogers aussi, et il prend un peu à droite. Star Wars, c'est du médiéval, du Bushido, du médiéval, du space opéra. Les codes du médiéval, les codes du Japon Du Bushido, exactement. Pour tout ce qui est la patrouille Rogue Squadron, c'est on reconnaît facilement tous les pilotes de la Seconde Guerre mondiale, ou même les chefs zéro, simplement. Ouais, c'est ça. Donc voilà quoi. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet, mais finalement, on est toujours à la confluence d'influences diverses quoi. Il y a jamais vraiment quelque chose de créer à 0%, je veux dire, ça émerge pas comme ça d'un coup quoi. Mais pareil, pour moi voilà, il arrive à créer une œuvre originale en s'inspirant d'œuvres que eux par contre sont tombés un peu dans l'oubli quoi, tandis que ses œuvres à lui sont toujours là. Donc lui Lucas, il discute avec un scénariste qui s'appelait Philip Kaufman qui deviendra réalisateur plus tard, puis qu'on lui doit ce fabuleux film qui est L'étoffe des héros. Je sais pas si tu l'as vu ce film sur l'histoire de l'aéronautique spatiale. Donc c'est un film que je te recommande. Lui il construit l'histoire et avec Kaufman, il commence un petit peu à penser à une espèce de baroudeur, aventurier, pas prof d'histoire, tu sais, vraiment plus le mec. L'aventurier. Pas ce côté clean, tu sais, un petit peu roublard sur les bords. Et on va aller en quête d'un trésor mystique, tu sais. Et justement, Kaufman, il pense à l'Arche de l'Alliance. Donc l'Arche de l'Alliance, qu'il faut rappeler, dans la Bible, contient les 10 commandements, quoi. Les 10 commandements, ouais. Et aussi, un peu mystique parce qu'on sait pas ce que c'est. Je veux dire, avant Indiana Jones, personne s'intéressait, à part bien sûr les personnes concernées, on va dire, par l'Arche de l'Alliance. Mais sinon, dans le spectateur lambda, savait pas trop ce que c'était. Non, parce que il l'a su parce qu'il s'il a regardé l'immense film de Cecil B. DeMille avec Charlton Heston, les 10 commandements, qui est quand même un monument du péplum, moi, que je regarde une fois par an. On n'est pas avec les 11 commandements de Michael Youn, ça n'a rien à voir. Rien du tout. On n'est pas du tout du même niveau. Alors là, c'est vraiment pas, j'ai l'impression que c'est même pas les torchons et les serviettes, c'est le fond de cuvette de chiottes, quoi. Ouais, on compare de la merde et de la truffe. Ouais, ouais. Voilà quoi, mais donc 73, donc les prémices de cette idée qui naissent quoi, et ça se concrétise sur la plage d'Hawaï en 1977. 77 qui évoque bien sûr une autre grande saga qu'on ne citera pas. Ah bah non, on va pas le citer à chaque fois. Parce qu'on le fait à chaque fois, à chaque podcast. Star Wars, merde, je viens de le faire. Donc ils sont sur la plage et puis ils discutent, il y a Steven Spielberg et George Lucas qui discutent, et Spielberg vient justement de finir le montage de Rencontre du troisième type qui doit sortir dans pas longtemps. Et lui, ce qu'il fait, c'est que il voudrait réaliser un James Bond. Il est très influencé par James Bond déjà, cette influence de ce personnage-là. Et Lucas, lui, il propose, il lui dit, ouais, j'ai peut-être une histoire pour toi, mais ça s'appelle The Adventure of Indiana Smith. Au début, c'est Indiana Smith. Ouais, Spielberg, il dit, ouais, je suis emballé, mais Smith, ça me convient pas trop, quoi, j'aime pas trop le nom. Donc lui, il dit, Indiana Jones, ce serait pas mal. Et voilà comment le nom se forme un petit peu. Il commence à discuter et tout, il commence un petit peu à piocher un peu partout parce que il y a un personnage qui va revenir inévitablement, c'est le Tintin de Hergé. Ça, c'est de toute façon, on a toujours dit que Ninja Jones, c'était le Tintin de Spielberg. Bah, quand tu regardes justement le Tintin qui a été fait en 3D, je retrouve un peu des passages qui me font penser à Indiana Jones. Oui, notamment la poursuite en moto ou sur la poursuite en moto, où il lance des roquettes, ça arrive un peu partout. Mais Tintin là-bas, c'est le reporter aventurier baroudeur qui explore le monde, souvent en quête de trésors ou de en quête de réponses, jamais en quête de trésors. C'est-à-dire qu'il se retrouve toujours embrigadé dans des aventures qu'il dépasse. Et il fait ça par passion de l'investigation, on va dire, puis il veut comprendre. Mais il y a toujours ce côté casse-cou et ce côté, il manque le fouet et le chapeau, quoi, tu vois. Voilà, sauf que Tintin, s'il a une arme, il s'en sert de temps en temps, ça reste, on va dire, Peggy 16. En fait. C'est-à-dire que il n'y a pas d'extrême violence dans Tintin. S'il y a un blessé, il n'y aura pas de sang et tout. Non, ça. C'est pas. Ça reste une BD. C'est une BD qui est très rythmée, moi j'aime bien, même regarder le dessin animé, ça me plaît. Même le film d'animation, je l'ai trouvé fort divertissant, alors que il a été massacré par la critique. Ouais, même les oranges bleues, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, moi aussi les oranges bleues, moins. Mais par contre, le Tintin, les mystères de la Toison d'Or, j'ai bien aimé celui-là, tu vois. Ah, celui-là, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu le premier ? Non. Donc j'ai trouvé qu'il était pas trop mal. Et il y a donc plusieurs films qui influencent un petit peu Steven Spielberg. Il parle par exemple du Trésor de la Sierra Madre, un film avec réalisé en 1948 par l'immense John Huston avec Humphrey Bogart, où justement t'as cette image de l'aventurier. Déjà, il y a un chapeau qui ressemble un petit peu au Fedora de Harrison Ford, tu vois. C'est cet aventurier un peu sombre, qui est un peu cynique, quoi, tu vois. Personnage-là, ça lui plaît, quoi, Spielberg, en fait. Son visage est vraiment marqué par les expériences. Ouais, voilà, buriné par les expériences et des gens qu'on lit sur leur tête qu'ils ont de l'expérience. Ouais. Des bons acteurs, hein. Faut s'arrêter un bon acteur pour jouer Bogart, ça. Ouais. Regarde. Et puis voilà quoi, il y a aussi L'Homme de Rio, je sais pas si tu connais ce film. Avec de Belmondo. Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Là, je connais. Tu connais, tu l'as disponible vu. Disponible sur Netflix. Ouais. Mais c'est un film qui a beaucoup inspiré Spielberg par justement le côté. Alors indirectement, c'est un Tintin parce que lui, c'est Belmondo, il incarne un militaire qui se retrouve au Brésil chercher après trois statuettes. Alors ça rappelle évidemment L'Oreille cassée, ou le Temple du Soleil, ou je sais quoi. Enfin, puis il y a Belmondo qui arrête pas de courir dans tous les coins, qui saute sur les toits et tout. Enfin, il y a des trucs incroyables quoi. Tu vois déjà le Belmondo. J'ai du mal à dire le mot humour, mais il y a un peu de. Ah bah c'est très pastiche. Hein, ouais, il y a un peu de pastiche dedans, et c'est ça qui est agréable à regarder. Ouais, c'est ouais. Que pour ceux qui ont envie d'un peu voir d'action, il y en a. Hein, je suis désolé, hein, Bébel, il faisait ses cascades lui-même. Ah ouais, mais grave. Donc l'action, il y en a. Mais après, il arrive à. Ouais, j'ai envie de dire l'effet Marvel, c'est-à-dire qu'il arrive à détendre l'atmosphère sans pour autant péter l'ambiance du film. Et ça, c'est très intéressant. Il y a un charisme incroyable, Belmondo, moi, je trouve, dans ses films, parce que il arrive toujours à attirer la sympathie. Et puis, on a peur pour lui, on a peur pour ce qui arrive, parce qu'il y a une scène où il se retrouve un peu comme dans un Tintin. Il se retrouve carrément, dehors, accroché à une fenêtre, tu vois, alors qu'il y a le vide juste à côté, quoi. Il y a des scènes incroyables dans ce film, même si on va dire, ouais, c'est léger, c'est pas un Belmondo extraordinaire. Si on veut une espèce d'adaptation non officielle de Tintin, on peut regarder L'Homme de Rio. Pour moi, c'est ça, quoi, tu vois. Donc voilà, quoi. Bon, ça, c'est les deux principaux films. Hein. Moi, j'ai ajouté deux autres films parce que c'est plus une inspiration, je veux dire, de vestimentaire. Alors, on a par exemple l'acteur Alan Ladd qui jouait dans Le Défi de la Mort. Donc, c'est un film de 1943 où on a Charlton Heston, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, qui jouait dans le Secret des Incas en 1954. Et là, c'est le style chapeau, blouson de cuir, limite le fouet sur l'épaule. Et là, on est en plein dans la mode vestimentaire du personnage. Quoi. Et puis maintenant, quand tu dis pour toi, c'est quoi un aventurier? Tout le monde va te donner le style d'Indiana Jones ou. Ah, mais carrément. Ou de Bob Moran. C'est Bob Moran. C'est vrai que Bob Moran, j'en ai pas parlé, mais ça aurait pu être une influence. Mais Bob Moran, c'est plus. C'est pas vraiment l'historique. Hein. Il est plus science-fiction fantastique, un petit peu, lui. Hein. Bah, un peu le Kalindi aussi. Ouais. Hein. D'ailleurs, je comprends pas que les Français aient pas fait un film sur Bob Moran, parce que c'est vraiment un personnage super important. Quoi, on va en faire un, nous. On va ouvrir un Ulule. Je vais pas m'étaler sur les diverses influences. J'ai cité les principales pour un petit peu dire le code vestimentaire, ça vient de là. Le personnage un peu cynique, ça vient de là. Les influences diverses du sérieux, ce qui sont principales. Bon, je vais passer un petit peu au casting parce que Harrison Ford n'était pas le premier choix de Spielberg Lucas. Est-ce que tu sais qui c'était à l'origine? Est-ce que si je te dis un moustachu qui conduit une Ferrari dans une série, ça te dit quelque chose? Ah, Tom Selleck. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pourquoi pas, hein. Il y a une belle carrière, ouais, Tom ouais. Selleck. Il y a aussi de l'humour. Donc, ça peut être bien. Tant que c'est pas Tom Cruise, moi, je peux pas. Donc, Tom Selleck qui a passé des auditions, qui était notamment retenu parce qu'il y a eu plein d'acteurs qui, plus ou moins connus, qui ont auditionné, comme pour le rôle de Marion, par exemple. Bon, je pourrais citer des actrices comme Debra Winger ou Barbara Hershey, mais il y a quand même toute une liste. Et donc, si on parle de Tom Selleck, c'est-à-dire que Tom Selleck, il était prêt à prendre le rôle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait déjà signé le contrat sur Magnum. Donc, il pouvait plus se désister, il pouvait pas se libérer. Il avait déjà signé pour 8 saisons de Magnum. Ouais, puis ils auraient dû effacer sa moustache. Non, la moustache était inclus dans le contrat. Ça, y a pas de problème. Ah, je suis content de ma connerie. Ouais, là, c'est énorme. Voilà, quoi, Tom Selleck, donc qui devait être un Ninja Joss moustachu du coup. Il avait saison, il avait signé pour cette série et le producteur qui est Glenn A. Larson, il a complètement refusé de libérer parce qu'il y avait une antériorité aussi. Il y a eu un procès de plagiat vis-à-vis de ça, c'est une anecdote. Hein. C'est vis-à-vis de Galactica. C'était que Lucas avait mis un procès au cul pour Glenn Larson parce que Galactica plagiait Star Wars. Donc Glenn Larson en retour il dit t'auras pas Tom Selleck parce que tu m'as emmerdé il y a quelques années, tu vois, donc des petites affaires comme ça, une union officielle quoi. Ouais, les joies du show business américain. C'est ça, ouais. Donc pas Tom Selleck, il faut trouver un acteur. Il se trouve que Spielberg, il a regardé l'Empire contre-attaque et il s'est dit finalement Harrison Ford il serait bien dans le rôle. Et moi je trouve en plus que entre Solo et Indy, il y a pas trop de points communs. Je trouve que c'est pas un décalqué de Han Solo, donc ça va. Ça passe. Je trouve que les deux entités, Indiana Jones et Han Solo, sont distinctes. Ah, disons que le jeu d'Harrison Ford est différent dans les deux films. Voilà, exactement. C'est ça, il n'est pas tombé dans ce qu'il sait faire. Ouais. Il a pris quelque chose d'autre qu'il ne savait pas faire. Il n'essaye pas de faire la redondance, quoi. Exactement. Ouais, ça, je trouve ça bien. C'est-à-dire que Solo, il est un peu cynique, il est un peu, il est très porté sur la blague. Ouais. C'est un pilote casse-cou. Indiana Jones, on va pas dire qu'il est pas casse-cou, hein. Il y a quand même cette volonté de se faire autre chose. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas le cas, par exemple, pour Johnny Depp, qui fait toujours les mêmes rôles? Toujours. Alors. Et tu vois, là, Ford, il a fait deux rôles différents. Johnny Depp, il fait Jack Sparrow. Il fait dans Lone Ranger, c'est exactement le même rôle que Jack Sparrow. Exactement. Et quand il fait les films de Tim Burton, c'est toujours les mêmes rôles pour moi. Edouard aux mains d'argent, toujours pareil. Sleepy Hollow, c'est pareil, quoi. Ouais, Charlie la chocolaterie, tout pareil. T'as un décalqué, quoi. C'est un peu le principe de ces acteurs qu'on dit, ouais, ils sont géniaux, mais des fois, t'as l'impression, c'est un peu comme du Will Smith. Will Smith, il fait du Will Smith souvent dans ses films. Johnny Depp, il fait du Johnny Depp dans ses films maintenant. Alors que c'était un grand acteur. Si tu prends Independence Day, on a demandé à Will Smith de faire du Will Smith. Ouais. Parce qu'on a établi comme. Ouais, mais après. Ils avaient eu personne de célèbre, à part Goldblum, ils sont dit, oh, bah, Smith, t'es un peu connu, toi. Vas-y, viens, va faire un film. Donc, du coup, il a fait de Will Smith. Après, quand il a essayé de sortir de son rôle de Will Smith, bah, c'est un peu bidé, hein, comme dans After Earth ou les trucs comme ça. Voilà, ça n'a pas marché. Hancock. Dans Hancock, ça va, tu vois. Bah, il est différent, là. Bah, il est différent, mais il fait quand même du Smith. Hein. Ouais, surtout c'est-à-dire, en prison. J'en ai rien à péter, surtout en prison. Bien. Surtout en prison. Ah, puis il devait être fatigué ce jour-là. Tête dans le cul. À chaque fois, on va le ramener dans le podcast, celui-là. Ah, ça, et Joker Arnold qui se prend un câble. Au fil de Will Smith, parce que je pense que les producteurs lui demandent de faire de Will Smith, tout simplement. Il peut faire autre chose. Regarde, je sais pas si t'as vu le film Ali sur le boxeur, qui est totalement différent. Totalement tu connais pas différent. Will Smith là-dedans. Mais encore une fois, là, il y avait clairement annoncé la couleur qu'il voulait pas faire du Smith. Ennemi d'État, avec Gene Hackman, par exemple, de Tony Scott. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. C'est différent aussi là-dedans. Dans Aladdin, il fait pas de Will Smith. Et c'est assez bien. Ouais, mais c'est pas un podcast sur Will Smith. Ni sur Johnny Depp. On va revenir sur Harrison Ford. Alors Harrison Ford, bon, on va dire qu'il était un petit peu à l'aube de sa carrière dans ces films-là parce que il a été lancé par Star Wars. Il y a eu des rôles secondaires après, mais après Indiana Jones, il a commencé à faire des rôles plus sérieux. Je pense notamment à Mosquito Coast ou Witness, des films qui sont un petit peu plus des rôles un peu plus intimes, on va dire. Et puis il s'est pas enfermé dans ses rôles, tu vois. On va pas lui dire ah tu vas faire un autre aventurier dans un autre film, tu vois. Il a voulu varier ses rôles dans les années 80-90. Bah, des fois ça a bidé, mais ça a au moins le mérite de t'essayes autre chose, t'es un acteur, tu t'enfermes dans un rôle dans un acteur, t'es plus un acteur, t'es une marque. Comme un film que t'adores, Blade Runner, quoi, tu vois. Ah oui, voilà. Excellent, si vous avez envie de dormir, celui-là. Excellent, culte, moi j'adore. Oh, ouais, j'ai... Mais c'est chacun ses opinions, hein. Toi tu t'endors, mais t'es pas le seul, hein. Moi je sais que il y a Blade Runner, il y en a qui sont complètement hermétiques. Quand tu le vois dans Blade Runner, tu vois un autre personnage que dans Indiana Jones ou Star Wars. Tu vois pas Harrison, tu vois. Ça c'est un acteur, c'est-à-dire que c'est pas une marque Harrison Ford, c'est un acteur. Ouais. Les autres, c'est une marque. C'est une marque Will Smith, c'est une marque. C'est la marque de Depp. Depp, pour en reconnaître. Et ben, Harrison Ford, il est mieux que, il peut jouer autre chose que l'aventurier un peu. Il y a une palette, quoi. Un peu dragueur, ou je sais pas quoi. Bon, on va pas décrire la carrière d'Harrison Ford. Peut-être qu'on reviendra aussi sur ses erreurs qu'il a commises, notamment un quatrième de triste mémoire. Mais il n'y a pas quatre. Puis la plus grosse erreur qu'il ait commis à Harrison Ford, c'est de pas être abonné à notre podcast. Harrison, abonne-toi. Abonne-toi. Soutiens-nous. On t'enverra un porte-clés. On t'enverra notre logo. En PNG. En tout box, voilà. Non, c'est la fin. Les sponsors, c'est à la fin. Ah, les sponsors, c'est à la fin. Voilà, on revient à Les Aventures de l'As Perdu, donc réalisé par Steven Spielberg, écrit par George Lucas et Laurence Kasdan. Laurence Kasdan, qui est comme un grand scénariste, qui a écrit le scénario du plus grand Star Wars de tous les temps, c'est l'Empire Contre-Attaque, bien sûr. Et bon, pour résumer, je vais rappeler un petit peu les faits, c'est que bon, au début, ça démarre. Déjà, t'as des codes qui s'instaurent dans les films Indiana Jones. T'as déjà le logo de la Paramount qui apparaît et qui fait une espèce de transition avec le décor derrière. Ouais. Là, c'était une montagne. Enfin, après, dans le 2, ça serait une autre montagne. Après, ça sera encore une montagne. Après, dans le 4, ce sera malheureux, mais bon. Mais, Il y a que 3. Il y a toujours cette transition vers un décor montagneux, quoi, tu vois. Un peu comme dans les transitions Star Wars, hein, c'est-à-dire de l'espace vers une planète. Ouais, c'est ça. Donc, on trouve déjà, et puis t'as aussi cette espèce de carte du monde, où t'as le point rouge qui décolle, et puis t'as un point rouge qui part d'un autre point. Et ça, c'est resté dans la culture pop, hein. Ouais, complètement. Et ça, t'as déjà des codes visuels. Donc, t'as déjà cette intro, je dirais. Si tu permets, je vais passer un peu plus de temps sur cette intro qui est en Amérique du Sud, donc située en 1936, parce qu'il faut bien situer aussi l'intrigue. C'est-à-dire que on va pas te claquer le personnage tout de suite dans une scène d'action. C'est-à-dire qu'on le voit de dos, on le voit marcher de dos dans la jungle amazonienne, et c'est seulement quand il est en danger qu'on voit son visage. Souviens-toi de cette scène où t'as le guide qui est prêt à dégainer, et elle est magnifique cette scène en termes de mise en scène, en termes de réalisation. C'est que on voit sa tête il se tourne, et puis lui il dégaine, ça fait très western, hein, finalement, comme scène. Il dégaine, et puis, il arrive quand même, et c'est là que, il y a une iconisation, je dirais, à mort du personnage, c'est-à-dire que, t'as la présentation du code du Vice-Empereur, mais tu sais que le mec, c'est un archéologue, mais il manie le fouet comme un chef, quoi, tu vois. C'est ça, le truc. Ouais. Donc, il arrive dans ce temple, et puis c'est là, t'as déjà le truc avec les tu sens pas le fanboy, là, un petit peu? Pas du tout! Il arrive dans le temple. Il n'y a plus qu'un guide parce que les autres, ils se sont barrés parce qu'ils ont eu peur des malédictions. Ouais, une malédiction. Ouais, une espèce d'aura. Et il arrive dans ce temple. Et c'est vraiment génial, quoi. T'as une suite de pièges et d'énigmes que tu dois résoudre. Alors, il croit, il y a ce côté humoristique. Il croit, ah ben, je vais échanger les statues avec le sac, hein. Avec ça va aller, quoi. Ça, c'est bah, très c'est iconique, tranquille, hein. Quoi. Ouais. Puis, ah, il est content. Hein. Puis, tout d'un coup, t'as le sac qui s'affaisse. Puis, tout le temps, il commence à s'écrouler. Donc, il doit courir à travers les flèches et tout. Puis, t'as une espèce de crevasse. À travers les pièges. Oh là là. La boule d'or d'âge qui lui tombe dessus. Ouais, la scène avec la porte qui s'ouvre, qui se ferme parce que l'autre il l'a trahi. Ouais. La scène qui se porte, tu te dis merde, il va s'en sortir parce que il est au bout d'une liane, le mec, il y a deux doigts de crever. Juste au dernier moment, il passe en dessous de la porte et il arrive à rattraper son fouet. C'est magnifique cette scène. Je crois que c'est ma scène préférée d'Indiana Jones. Tu vois, puis ça met un peu d'humour, c'est-à-dire que il s'en sort tout juste, hein, il passe en dessous, il s'en sort tout juste, mais il prend quand même le temps de chercher ses affaires. Le fouet, il faut le rattraper, quoi. Et là, tu te dis, ouais, c'est bien. C'est l'iconisation, mais tout le long de la scène, quoi, tu vois. Et du coup, ça le rend badass en plus. Mais complètement, et après, il s'en va, et puis tu découvres son visage gentil, de petit gentil professeur, tu vois, tout l'inverse du personnage qui a été avant. Quoi, tu ouais, vois. Puis tu vois, personnage badass, il est dans la jungle, il récupère son fouet, bon, pas de bol, il se fait avoir. Mais... Ouais. Puis après, il arrive professeur, tu te dis, mais c'est pas la même personne. Tout timide, c'est un étudiant qui le drague ou quelque chose comme ça. Il y a même pas de confiance en lui, quoi. Il est tout gêné, il bégaye, tu te dis, bah, c'est génial. T'as l'impression, en fait, de voir Clark Kent et Superman. T'as les deux faces d'un même personnage, quoi, c'est ça. Ouais, sauf que là, il joue pas, il est comme ça. C'est juste qu'il est badass quand il a une quête en tête. Et qu'il est un peu perdu quand il a une caquette en face de lui. Ouais, il est complètement en transe, on dirait, quand il y a Indiana Jones version aventurier, tu vois. Mais tu vois, tu l'as version prof, il est tout gentil, quoi. Mais tu vois, quand il lui explique la situation, tu vois. Ouais. Et il est en prof, bla bla, il explique tous les trucs. Puis tout d'un coup, quand il lui donne un indice, puis tu vois. Tu vois son regard qui se transforme en aventurier. Et ça, c'est bien, quoi. Ça y est, c'est la transformation. C'est Harrison Ford, c'est je crée deux personnages en un, quoi, tu vois. Ouais, deux en un. Et puis voilà, quoi. Donc, j'espère qu'elle demandait deux fois le cachet, aussi. Donc, il y a les services secrets qui viennent le voir à son collège, là, je sais plus, c'est son université. Bah, son université, hein. Pour lui dire que les nazis sont sur la piste de l'Arche d'Alliance, quoi, qui contient les 10 commandements. Ils savent pas ce qu'il y a dans le coffre. Les nazis croient qu'ils vont avoir le pouvoir absolu avec ça, tu vois, et qu'ils vont pouvoir contrôler le pouvoir de Dieu, quoi. Et après, ce qu'on savait pas dans les années 80 quand c'est sorti, c'est que c'est réel. Les nazis croyaient vraiment au pouvoir divin, au surnaturel, enfin voilà. Il y a eu beaucoup de recherches dans ce sens-là. Hitler a lancé beaucoup de recherches sur des objets un peu mystiques qui auraient des propriétés divines, quoi. Exactement. Lui, il remet son habit d'aventurier. C'est à peu près une espèce de quête d'énigmes, d'artefacts, quoi, finalement, parce qu'il atterrit au Népal où il y a le bar de Marion. Ouais, enfin, puis comme par hasard, il connaît tous ceux qui ont la solution à ces problèmes. Ouais, bon, après, faut faciliter le scénario. Mais ça va, c'est assez bien amené. Enfin, il y a ce côté un petit peu marrant, on va dire, avec Marion, parce que il l'a largué, parce que bon, ça peut un peu le côté négatif du personnage, c'est que bon, il l'a largué comme ça, parce que il l'a laissé tomber. Donc Marion lui en veut, Déjà, t'as cette très belle scène où il arrive. Bon, elle fait un concours, c'est marrant cette scène. Quand elle fait le concours de verre, là. De picol. Elle est tellement blindée d'alcool que l'autre, il s'écroule, le mec. Bon, elle se retrouve tout seule, puis elle ferme la porte, mais en fait, non. Tu vois son ombre qui est projetée sur le mur, je sais pas si tu te souviens de cette scène. Ah, tu dis, ah bah d'accord. Iconisation numéro 2, tu vois. Voilà, exactement. Ouais. Iconisation du personnage. Il arrive. Reconnaissez-le à sa silhouette. Ouais. Ce qui arrive maintenant. La silhouette, ouais. Et puis il fait son sourire de charmeur, mais ça marche pas, tu vois. C'est ça que c'était marrant parce qu'il se prend un claco, quoi, tu vois. Bah ouais. Donc il discute. C'est le surhomme qui est d'un coup retour sur terre. Mais complètement, quoi. Salut, beauté. Bah t'attends comme les autres. Voilà. C'est le mec macho, quoi, mais il est vite remis en place, quoi. Parce que Marion, c'est un personnage, j'aime bien, c'est un beau personnage de femme forte qui va jamais se laisser faire pendant tout le film. Mais encore de femme forte, et puis après, quand elle se fait enlever dans les marchés, ça vient une quiche, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Mais là, elle se laisse pas faire parce qu'après, en fait, il recherche le médaillon de rat, tu sais, pour pouvoir localiser la cité de Tanis. Donc lui, il passe un marché, mais l'idée de revenir du lendemain. Mais le problème, c'est qu'il y a les nazis qui arrivent entre temps. Et eux, ils sont pas bons. Eux, ils sont prêts à torturer pour avoir l'objet. Ouais, pourtant, je sais pas si c'était vraiment le cas. Oh putain, on va se faire striker. Donc il y a ce nazi avec les lunettes là, très sadique. Ah ou les méchants. Alors Indiana Jones, les méchants, ils ont des têtes de méchants. Hein. Le problème, ouais, je veux dire, est-ce que c'est le problème parce que ça passe plutôt bien parce que c'est un sérieux déjà. Forcément, il y a aucune nuance dans les méchants. Quoi. Non, pas de nuance. Ils sont tous salopards. Quoi. Ouais, c'est... Même l'archéologue français là, ouais. Le Belloc, c'est un salopard de fini. Ouais, quoi. C'est... Il y a aucune nuance le mec. Hein. C'est tous des enfants. Ouais. Ouais. Alors les Français collaborent tout ce que tu veux là-dedans. Oh, alors si vous aviez pas compris le message et qu'on vient vous de l'apprendre, c'est que faut retirer la merde que vous avez dans les yeux. Parce que, donc le mec prêt à tout quoi. Soit prêt à tout. Collabo quoi. Exactement comme tu dis. Il y a cette superbe scène d'action qui s'enchaîne parce que apparemment Indiana Jones, il y avait quand même vu qu'il avait été suivi par les nazis. Superbe scène où Barak prend feu, tout il s'écroule, donc forcément il est obligé de la prendre avec elle. Donc direction l'Égypte où là il retrouve son pote Salah qui est joué par Marion Ravenmoul, elle est jouée par Karen Allen dont on a parlé il y a pas très longtemps. Je sais pas si tu te souviens, c'était elle qui jouait avec Jeff Bridges dans Starman. Et donc Salah, son copain qu'il connaît depuis quelques années là, le terrassier comme il l'appelle d'Egypte, qui jouait par John Rhys-Davies. Donc John Rhys-Davies, on l'a vu avec son maquillage, il jouait dans Gimli dans Le Seigneur des Anneaux ouais. Et dans Sliders aussi, le professeur. C'est vrai, c'était le professeur, je sais plus comment. Le professeur. Ouais, professeur. Enfin, c'est un gros barbu, quoi. Ouais, une tête reconnaissante. Ouais. Donc Salah qui est très courageux, parce que bon, il l'aide quand même à aller sur le chantier où il y a les fous, justement, et les nazis, en fait, apparemment, ils ont trouvé un indice, parce que y a le médaillon qui a été gravé Petit Hitler, il a voulu attraper le médaillon, il se l'est gravé dans la main. Mais Gestapo, quoi. Ouais. Heureusement, il avait qu'une face, le médaillon. Donc voilà, quoi, il traduit, puis il y a cette scène avec la date, là, tu sais, où on ralentit, où les dates sont empoisonnées avec le pissage, parce qu'il y a l'histoire du pissage aussi. Bon, je veux pas dire toutes les scènes, parce que bon, c'est trop long. Il rattrape la date en vol, tu vois, encore une scène iconique. Mauvaise ces dates. T'as le petit singe et tout, et puis t'as cette scène où Marion se fait enlever aussi. Alors tu vois, c'est ça, je te dis. Tu passes de femme forte à pauvre victime, quoi. Ouais, là, elle est complètement. Et puis elle fait, à part crier Indy, elle fait rien. Elle est spectatrice, quoi, quasiment, quoi. Ouais, elle suit. Et là, t'as Indiana Jones, et puis t'as cette scène que t'aurais certainement adoré, c'est quand tout le monde s'écarte, et puis t'as l'espèce de guerrier avec son sabre qui commence à faire son truc. Là, je vois, il commence à faire son truc, puis il le tire d'une balle, quoi. Et en fait, c'est arrivé, normalement, il devait avoir un vrai combat entre les deux. Il a été tourné ce combat. Ça, c'est une anecdote, si tu me permets. Puis il y avait la chiasse, en fait. En plus, donc le problème, c'est que il tourne cette scène, il y a l'autre qui fait son show avec son sabre, il y a Indy qui fait son show avec son fouet. T'as le mec qui fonce avec son sabre, on le voit dans une scène coupée, il fonce dans l'étalage de marché contre son sabre, donc tout qui explose, puis Indy lui fait une patate. Ça devait normalement se finir comme ça. Mais comme tu disais, il y a la chaleur qui joue beaucoup. Ouais. Apparemment, ils avaient bouffé quelque chose qui était pas très très trop bon. Ah bah, tu l'as dit, ils étaient pas bonnes ces dates. Donc le plat local n'était pas très bon pour Alex Oxford, douleur gastrique d'après ce que j'ai compris. Et donc Steven Spielberg a dit on va pas retourner 4 fois la même scène. Donc tu fais dégainer quoi. Et encore là, voilà, et paf, une scène iconique. Complètement. Ah, je veux dire, elle est géniale cette scène. Comme quoi, faut pas se prendre la tête de. Ouais, mais est-ce que ça cadre vraiment que le personnage, tu trouves? Oh bah, c'est marrant parce que en fait, comme il courait avant dans tout le marché, il était fatigué, il a pris plein la gueule. Tu vois, il fait une tête de j'en ai marre, puis il tire dessus. Bah c'est génial, t'y crois. Tu dis le mec, il dit et pourquoi? C'est vrai, t'as un mec en face de toi, il veut te buter, il sort un couteau, toi t'as une arme, tu lui tires dessus. Le côté héroïque, il a pu là-dedans aussi. Oh, moi je trouve ça génial. Moi, j'aurais préféré la scène avec le fouet, tu vois. Ça me fait penser au film où les mecs, il fait en un par un, 1v1. Ouais, vas-y, lâche ton arme, on va se battre entre hommes. Ouais, le mec, il me sort ça, j'ai une mitrailleuse, je lui mitraille sa gueule. Hein. Je suis désolé. Et du coup, voilà, cette scène-là, elle te fait. Ouais, bah ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est vrai que c'est une scène culte du film. Hein, elle est culte, elle est culte. Totalement. Hein, c'est une scène que tu retrouves sur YouTube, hein, finalement. Ouais. Tu tapes Indiana Jones, hop, Indiana Jones dégaine, quoi. Après, il y a cette scène aussi géniale où il met le médaillon et puis il le plante. Puis t'as le soleil qui passe à travers pour refléter dans la maquette. Exactement où il doit aller. Après, il va avec le bon calab. Comme ça, il arrive directement à voir le bon endroit. C'est génial cette scène, je trouve. L'idée, elle est excellente. Ah, ouais. Faut attendre le soleil qui soit tel zénith, niveau, tu vois. Voilà. Puis il fallait une bonne distance pour le bâton. Du coup, les autres, ils creusent trop loin. C'est génial. Elle est super. Puis après, donc, ça continue et ils trouvent justement cette plaque. Mais il y a un truc qui va pas dans cette scène parce que ils sont vraiment à côté du chantier des nazis. Bah, donc ça m'étonne pas qu'ils se font repérer. Pourquoi ils ont pas fait ça de nuit, quoi, tu vois, un truc comme ça? Parce que, bon, de nuit, il y a moins de monde. Ouais. Mais en plus, il y a plus de bruit, tu sais. Après, de nuit, les scènes, elles auraient été moins visuelles. Ouais. Il y a même cette scène où, à un moment, il y a Indiana Jones, c'est comme ça, il est enthousiaste devant le fait qu'ils ouvrent la plaque. Le ciel qui gronde d'un coup, comme si il y avait quelque chose de terrible qui allait se préparer, quoi, tu vois. Ouais, on rentre dans l'iconographie, après. Ouais. Donc, ils descendent dans cette pas de bol, c'est des serpents. Et on l'a dit, c'est dans l'une des faiblesses d'Indiana Jones, c'est qu'il déteste les serpents. C'est sa kryptonite. Ouais. Et ça, on le verra pourquoi dans le 3. Donc, il descend, et puis, avec ça, là, il ramène l'Arche d'Alliance. Ah, pas de bol, il se fait capter par le chef nazi, et puis le Belloc, là, le traître français. Vous pouvez bien le préciser, le traître français. Ah ouais, bah, pour les Américains, hein, pas sans l'autre. Donc ils sont enfermés. Il y a toute cette scène où ils essayent de, avec Marion qui, d'ailleurs, Marion, elle fait une belle chute. Hein. Il y a pas de casse. Hein. Alors qu'est-ce que c'est quand même assez profond comme trou. Ah hein, quand même. Donc elle atterrit directement sur les épaules d'Indiana Jones, tu vois le truc. Puis touche-moi pas ça, ce salopard. Enfin, elle leur va mort parce que elle l'avait rencontré, mais elle l'avait pas délivré, quoi, tu vois. Donc il fait encore un coup de pute, quoi, quelque part. Voilà quoi. Bon, ils arrivent à sortir. Et puis là, t'as toute cette scène d'action qui s'enchaîne, quoi, quasiment avec, je disais tout à l'heure, la scène où il prend le cheval pour suivre le camion avec les nazis. Et là, ça dure longtemps, la poursuite. Hein. Il passe au-dessus du camion, il passe en dessous du camion. Et puis il se fait traîner. Après, il repasse par devant. Il tient avec une espèce de corde. Il se fait traîner par le truc. Ça fait vraiment western, quoi. C'est typiquement western, cette scène. Ça fait entre course-poursuite, cascade et western. C'est terrible, quoi. Et ensuite, il arrive, et puis il va sur le bateau, et puis t'as le capitaine, et puis il se fait attraper par le sous-marin nazi, hein, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Oh, je serais plus de dire. Enfin bref, ils sont accostés une fois de plus par les nazis, ils sont encore une fois de plus. Lui, il se planque, Marion, une nouvelle fois prisonnière, comme toi tu disais tout à l'heure, elle devient spectatrice. Elle devient victime. Ouais. Et lui, Indiana Jones, alors tu le sais comment dans une scène de coupé, comment il arrive à suivre, parce que ils disent qu'il s'est accroché au périscope, mais moi il y a un truc qui me pose problème, c'est que si le sous-marin plonge, il va falloir qu'il retienne son souffle, t'es d'accord avec moi? Bah ouais, il y a quand même un certain kilométrage jusque l'île. Ce que j'allais dire, puis la pression, il plonge un peu bas. Alors ça, c'est ton sujet coupé parce qu'on voit Harrison Ford qui est suspendu au périscope, tu sais. Donc on peut supposer que peut-être que le sous-marin il reste émergé, on va dire entre guillemets. Donc ça, c'est un peu la facilité. Puis ils arrivent à cette île où il y a toute cette cérémonie, tu vois, où ils sont attachés, ils font la cérémonie juive et tout. Et puis t'as cette scène, il y a la traditionnelle, je vais dire scène d'horreur qu'il y aura dans les Indiana Jones. Ils ouvrent le truc, mais le problème c'est que comme c'est des représentants du mal, t'as tous ces fantômes qui se transforment en monstres. Enfin, au début, c'est tout des spectres, des anges, puis après, ils deviennent des démons, quoi. Voilà. Puis t'as cette scène où ils fondent littéralement. Exactement. Quoi. Et du coup, t'as une scène, t'as un film d'aventure on va dire, 90% du temps, et qui devient un peu fantastique les dernières minutes, quoi. Là, t'es dans l'horreur, quoi, carrément, voilà. Parce que là, c'est gore, hein, quand même, quand ils fondent. Ah ouais, t'as l'impression qu'ils ont été faire un tour à Gravelines. Donc c'est sûr. Mais ça fond, mais c'est vachement bien fait, quoi. C'est même pas numérique. Tout est fait de. De toute façon, je vais revenir sur les effets spéciaux aussi, parce que y a pas d'effets spéciaux numériques là-dedans. C'est tout ce qu'on appelle du matte painting. Enfin, je sais pas si tu sais ce que c'est que le matte painting. C'est des peintures qui sont mises pour certaines scènes, pour représenter en fait une scène, une ville ou un décor. Mais en fait, c'est une peinture qui est tellement réaliste que tu peux faire évoluer les acteurs devant, tu vois. Ouais, c'est plus réaliste que le fond vert de Thor Ragnarok. C'est ça. Tu vois, les fonds verts ont tendance à être dégueulasses, alors que le matte painting reste. Bah, forcément, parce que le grain de la pellicule, du coup, il reste le même. Donc, du coup, il y a des moments, ça se voit un petit peu, surtout dans le 2, que c'est fake, mais je veux dire, ça le fait, quoi. Il y a cette scène, par exemple, où je sais pas si tu te souviens, où il y a la Jeep qui tombe dans un ravin. Mais ça, c'est un matte painting, en fait. Mais il y en a plein. Il y a aussi le côté artisanal avec les poupées. Donc, les trois, là, qui fondent, c'est tout de l'artisanal. Et là, c'est vrai qu'on voit, on doit quand même souligner et féliciter pour la qualité des effets spéciaux, quoi, dans ce film. Ils sont bons. Pour l'époque, c'est très bon. Hein. Puis au niveau montage, tout ça, au niveau narratif, au niveau montage, mais c'est parfait, quoi, comme film. Et c'est dynamique. Tu t'ennuies moins dans le Indiana Jones 1 que dans certains films où il y a du ventre mou entre deux. Ça. Là, il y a le ventre, il n'y a pas le temps d'être mou, qu'il y a un rebondissement derrière, et puis ça s'enchaîne, ça c'est bien. Le rythme des Indiana Jones, par certains, est bien. En plus, il fait 1h50, même pas, donc c'est 1h50, tu ne vois pas passer. Quoi. Non, tu ne les vois pas passer. Puis tu as plaisir à revoir. Quoi. Un film que, malgré le fait que tu connaisses, on va dire, tout par cœur, on peut re-regarder ce film sans s'ennuyer. Il y a le côté suspense qui reste. Tu sais ce qui va arriver, mais tu as peur quand même. Ouais, puis il y a le côté humour qui reste aussi, et puis le mec badass qui est pas si badass que ça, mais si, quand même badass. Quand même. Ouais, c'est marrant. Pour un personnage comme ça, c'est bien trouvé. Alors moi, l'inconvénient d'Indiana Jones 1, c'est que la première fois que je l'ai vu, forcément, c'était à la télé. Donc moi, la fin, je l'ai vu après. Parce que les parents, je sais pas, moi, ils m'ont demandé d'aller me coucher. Si moi je connais pas, voilà, c'est tout, la fin, elle a récupéré l'arche, ça dégage. Bon, après on comprend pourquoi plus tard. Mais ça, tu vois, je te disais la dernière fois, il y a des films que j'ai pas besoin d'aller voir au cinéma, je peux regarder à la télé, ça me suffit. Ce film-là, non, j'aimerais bien le retourner le voir au cinéma. Bah écoute, je serais le premier à t'inviter à aller au cinéma, voilà. Bien sûr, un écran géant, tu vois, un truc tu comme vois, ça. Ce film, il y a, je veux dire, il y a de l'ambiance, il y a de l'action, tu te sens pris et dans, enfin, tu te sens concerné pour le personnage. Un peu dommage que la femme forte soit faible. Ouais. Bon, en même temps, c'était la mode à l'époque, hein. Donc forcément, il fallait la demoiselle. Ouais, mais il y a un petit plus chez le personnage de Marion, je trouve. Mais je veux dire, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a enfin de l'archéologie, du Tomb Raider avant l'heure en fait. C'est-à-dire que t'es pris dans le truc, et puis à la fin, il y a de la, j'irais dire, film d'horreur science-fiction. Il y a des trucs à voir. Il y a le côté mystique aussi dans le film. T'as un côté mystique, et du coup, ça te fait un mélange que même des années, des décennies plus tard, et ben t'arrives toujours à regarder. Ça prend pas un coup de vieux. Non, c'est vrai que c'est intemporel quelque part. Intemporel. Ouais. Moi, je peux remontrer un Indiana Jones comme maintenant. Je me sens bien dans l'époque. Ouais. Et c'est le côté avantageux d'avoir fait ça dans les années 40. Les véhicules peuvent pas mal vieillir, les histoires peuvent pas mal vieillir, les personnages peuvent pas mal vieillir parce que ancré dans le passé et sur une histoire que nous on est censé au moins connaître. Les nazis c'est des méchants, les Américains c'est des gentils et les Français c'est des collabos. Les Égyptiens ils sont bons, ils sont quand même bons serviteurs on va dire. Voilà, bons serviteurs. Ça fait très colonial comme ambiance. On est un petit peu trop dans les stéréotypes quoi dans ce film quand même quelque part. C'est parce que là c'était qu'en 40, il y avait pas encore de communistes mais sinon ouais voilà. Mais Indiana Jones par certains côtés moi je trouve que il y a un côté un peu cynique quoi que je trouve quelque part. Moi ce que j'aime bien c'est la fin, hein, c'est on a trouvé l'arche d'alliance, clairement tu te dis enfin le mail il se dit on n'aurait pas dû chercher ça, hein. C'est ça vaut pas le coup de chercher ça. On aurait pas dû la déterrer quoi, ouais, c'est voilà. Ça. Enfin il aurait fallu la laisser où elle était. Elle finit dans la zone 51 à la fin mais Ouais, puis il sait pas lui. C'est-à-dire que ouais, bah, vous l'avez mis où, ouais, c'est top secret et puis tu vois sur sa tête, c'est là encore bon jeu d'acteur, tu vois sur sa tête que il contrarié quoi. Qu'il contrarié et que c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut garder pour l'humanité. Ouais. Mais il y croyait pas au début hein, d'histoire de Puis c'est génial, c'est que tu sais pas ce que c'est l'arche d'alliance, même encore après tu sais pas ce que c'est. Bah ça reste un mystère. Ça reste un mystère, c'est-à-dire elle fait ça, l'effet c'est ça, tu sais pas si c'est divin, tu sais pas si c'est technologique, tu sais pas si c'est des extraterrestres. On va pas parler du 4 maintenant. Il y a des mystères qui sont pas faits pour être résolus. Pour un film d'aventurier qui est censé bien se finir, bah, il finit pas tant bien que ça en fait. Hein. On voit un mec qui est dans les allées, là. Bon, après, il met la caisse. Après, tout le film sert à rien. Imagine que ça explose ou que ça libère le truc. Non, mais même tout le film sert à rien. Le film, il sert à rien en lui-même. Ah ouais? Si les nazis avaient trouvé la boîte, il serait mort. Tu veux dire que le personnage de Jones, bah, il l'aurait pas trouvé, ça aurait été pareil. Tout ce qu'il a fait, ça a servi à rien. Parce que même s'ils avaient trouvé la boîte, qu'ils l'avaient ouvert, ils seraient tous morts. Et puis, s'ils s'étaient trompés d'endroit, bah, ils auraient continué à chercher. Mais de toute façon, tous les nazis, ils auraient été morts avant de pouvoir s'en servir. De ce point de vue, t'as raison, hein, finalement. Ouais. Après, le seul truc bien, c'est que, bah, du coup, la boîte, maintenant, elle est aux États-Unis. Je sais pas si c'est bien. Surtout dans un entrepôt avec d'autres caisses. Et qui risque d'être pillé. Ou oublié. Ou bien qui prend feu ou je sais pas quoi, ou qui arrive à un accident. Bah, il noircit un moment, il me semble, hein, même. Bah, on la voit, enfin, il y a un petit clin d'œil. Dans le 4, on la voit à l'Arche de l'Alliance. Hein. À un moment, il y a une scène où il tourne, t'as les caisses qui tombent, puis t'as la caisse, elle est ouverte, et on voit que c'est l'Arche de l'Alliance. Et je dis, bah, ça va alors. Ils vont bientôt libérer les fantômes tout à l'heure. Ouais. Bah, non, mais c'est après, parce qu'après, il y a Ghostbusters qui arrive. Non, mais ça, c'est autre chose. Hein. C'est quand même des fantômes qui viennent, des esprits qui viennent de je sais pas où. D'ailleurs, on sait pas si c'est divin ou si c'est maléfique. Apparemment, c'est bienveillant parce que comme ils ferment les yeux, ils sont pas exposés. Mais une pirouette que j'ai pas bien compris, mais bon, c'est un peu facile. Non, si tu connais, c'est ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est Lucas. Moi, je vais dire chef-d'œuvre quand même parce que c'est non, un grand clairement, film. Clairement ouais. Chef-d'œuvre. Voilà, tu peux là, après tu peux classer, critiquer le déroulement du film, mais enfin, genre de film, ça court pas les rues. Les genres de films où plus de 40 ans après, tu peux continuer à les regarder. Je suis désolé, ça court pas les rues. Je vais rajouter quelques anecdotes, vite fait, quoi. Le tournage qui a eu lieu en Tunisie pour les scènes en Égypte, tu vois, par exemple. La Rochelle pour la scène du sous-marin dans le hangar. Il y a la scène d'ouverture, elle a été tournée à Hawaï. Et puis tout ce qui est intérieur, bah, c'est dans les studios d'Elstree. C'est un studio qui est quand même réputé pour avoir accueilli pas mal de grands tournages qui est situé près de Londres. Puis il y a trois scènes qui ont été coupés. Alors, je vais te les citer, tu vas me dire. Ça fait une belle transition avec le film suivant, en fait. Parce qu'en fait, on a la scène du gong géant qui devait apparaître dans le film. Et on a la scène du canot parachute, donc le canot qui dévale la pente. Et puis, t'as la scène des wagons, surtout, hein, qui devait aussi apparaître dans le... Donc, ces scènes, elles étaient sur storyboard, mais elles n'ont pas été retenues parce que, pour cause de budget, ils avaient peur que ça explose, donc ils n'ont pas fait dans la surenchère. Et finalement, ils ont recyclé pour le suivant, qui est sorti en 1984, Indiana Jones et le Temple Maudit, en anglais, Indiana Jones and Temple of Doom. Rien à voir avec Doctor Doom et Fatalis. Donc après Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones, donc c'est une espèce de préquel au premier en fait, hein, parce que ça se déroule un an avant. Donc on aura la scène d'intro, c'est Shanghai 1935, dans le bar, le club Obi-Wan, je sais pas si tu l'as remarqué ça. Donc, je suis pas assez fanboy. Donc on sort quand même le club Obi-Wan, et là il y a une espèce de transaction qui tourne mal, puis t'as cette scène du gong géant qui roule pour qui se protège des malfrats entre ouais, le... Il y a une espèce de triade chinoise. Ouais, bon, ouais. Oh putain, les yakuza, les triades. Ouais, t'as raison, ça a fait au cliché. Donc c'est les triades qui veulent récupérer une espèce de cendre, je sais pas quel empereur, et ça tourne mal, donc ils embarquent avec la chanteuse, qui est jouée par Kat Capshaw, et avec le gamin, qui est demi-lune, qui est joué par Kewikan, qu'on leur trouvera dans les Goonies d'ailleurs, qui fera partie des 5 Goonies, il me semble. D'accord. Donc il y a cette poursuite dans Shanghai, avec cette grosse voiture, tu sais vraiment... Ah ouais, c'est le gamin qui conduit en plus. Ouais, en plus, ouais. Avec sa voix « Dr. Jones !» Très caricatural quand même la voix. Non, c'est jamais caricatural. Je dois dire que pour l'époque, ça passait bien. Malheureusement, oui. En plus, ce gamin, il est vachement débrouillard. Je trouve que c'est un beau personnage aussi. Ah, tu vois, un gamin fort. Par contre, je sais pas si c'est le jeu de l'actrice ou si l'écriture du personnage, mais j'ai trouvé le personnage de... C'était... Comment elle s'appelle ? Willie Scott. À part ses scènes de dégoût dans l'air pomme, elle sinon c'est moins iconique. Insupportable. Moi, je la trouve insupportable comme personnage. Moi, je la trouve juste moins iconique, moins grave. C'est complètement aux antipodes de Marion, quoi. Elle fait gueuler, elle fait que se plaindre. Ouais, une vraie femme, quoi. Le mec misogyne, quoi. Ah, oui, attention, oui. Ce podcast est misogyne. On va mettre un message au début. Alerte misogyne. Mais insupportable. Pourtant, cette actrice, je l'ai revue dans d'autres films, elle est pas mauvaise. Là, franchement, je sais pas ce que Spielberg nous a pondu, là, mais franchement, ce personnage, il aurait pas été là, quoi. Ça aurait été un plus pour le film, je trouve. Bien, il aurait fallu écrire le truc d'une manière plus subtile. Donc, ce que je disais, c'est qu'ils prennent l'avion, mais l'avion, justement, il appartient au chef de la triade. Tu vois, les pilotes qui sautent, ils sautent tous, on est déjà arrivés, quoi. Puis non, en fait, l'avion, il doit s'écraser sur une falaise. Puis c'est là qu'il y a la scène du canot. Alors, l'autre, exagéré, hein. L'autre est dans l'assurance. Cher, hein, au niveau effet spécial. Après, ça devient ça devient n'importe un peu quoi, spécial, là. On va dire. Ouais, ouais. Alors, il saute avec le canot, il dévale la pente, l'eau, ça va encore. Mais après, il tombe d'une falaise et il retombe tranquillement sur l'eau. T'as remarqué? Puis, il n'y a pas de dégâts, hein. Non. Alors, j'ai dit, ça, déjà, c'est trop. Et puis, il arrive dans un village indien, il est accueilli par un chef, et puis, il lui dit que, ils ont perdu les pierres de Sankara, qui assuraient un petit peu la protection du village. Ouais, c'est ça, il y a encore une notion de mystique quelque part. Ouais. Je vais dire la prospérité du village quelque part et donc il dit il y a un palais pas loin donc ils se rendent au palais puis là il y a la fameuse scène du souper quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et là c'est la surenchère aussi là. Et là l'actrice est agaçante dans ces scènes. Ah oui, complètement. Ça et les scènes où elle met ses mains dans les mécanismes mais sinon voilà. Ah oui, non mais on parle quand même déjà du repas avec ouais. Il ouvre le serpent, il y a plein de serpents qui déboulent. Voilà. Elle remue la soupe, il y a des yeux. Ça c'est de la surenchère dans le dégueu. Non, c'est dégueulasse, c'est inutile quoi. Ouais, l'impression de manger. Puis après t'as le crâne de singe, ils ouvrent le crâne de singe, mais en plus il y a des filaments. Ouais, puis pour renforcer un peu l'aspect dégueu, tu vois. Ouais, c'est à la limite s'il bat pas encore le cerveau, quoi. Ah, complètement. J'ai trouvé ça, mais je trouve qu'on force un peu sur le. Ah bah tu parlais de caricature. Ah mais avant, là, on est dedans. C'est le problème du 2, moi je trouve, c'est on pousse l'humour à l'extrême, et c'est de l'humour qui est pas subtil, quoi, des fois. Non, c'est Bonboana et mes bons blancs, hein. C'est ça. Ah, c'est, ouais. Tu vois, c'est de l'humour très colonial. Nous on est civilisés, hein, voilà. Et puis vous êtes des arriérés parce que Alors vous. C'est peut-être pour ça que du cerveau, des machins, c'est dégueulasse. C'est peut-être pour ça que l'Inde a refusé que d'accueillir le tournage parce qu'il y a eu un problème parce qu'il paraît que quand t'as su ta culture devait, t'as pas envie qu'elle devienne hein. Il devait tourner le film en Inde justement et ils ont dû se rabattre sur le Sri Lanka qui est un pays voisin et peut-être ils ont pas aimé cette image un peu négative de l'Inde très négative quoi tu vois quelque part c'était pas subtil de la part de Spielberg quoi après c'est de l'humour colonial ça c'est mais par contre là il était bien tassé quoi On passe je veux dire un petit peu à la partie qui est la plus intéressante quoi que j'ai du mal à le trouver plus intéressant ce film moi donc j'ai un peu il y a quelques scènes que je sauverais quand même. Donc il y a cette scène où ça devient un peu plus intéressant. Cette histoire de je t'aime moi non plus, tu sais, quand tu rentres dans la chambre. Dans les chambres, c'est nuche à mort, quoi. C'est vu partout. Et puis là, t'as une espèce d'assassin qui sort du mur, puis qui essaye de l'étrangler. Puis là, t'as la première scène un petit peu, il balance son fouet autour du ventilateur. Et le gosse s'étrangle, quoi. C'est pas mal cette scène, je trouve. Puis il découvre qu'il y a des. Là, ça commence à devenir intéressant. Il découvre qu'il y a des passages secrets. Des passages secrets, et puis ça mène à une espèce espèce de temple souterrain. Temple maudit, Temple of Doom. Le temple du destin en français. Hein. Donc ils arrivent là, et puis ils sont à trois, puis ils regardent la scène, et puis là c'est la scène où j'étais un petit peu écœuré quand j'étais gamin. Ils sacrifient un jeune sur une plaque de métal. Ouais, Kalima Chopke. Ouais. Il enfonce ses doigts dans le cœur, et puis il arrache le cœur. Mais je crois que c'est un effet numérique là, parce que on voit le... Ah oui, c'est pas un vrai mec qui meurt. Non, je veux dire, c'est pas mécanique. On voit le cœur qui se referme, mais j'ai l'impression que c'est numérique cette affaire. J'aurais du mal à dire, mais... Donc le cœur, mais il saigne pas comme le mec est encore vivant. Parce que, bon, je sais pas quoi, mais bon. Ah, c'est magique. Et puis t'as là, tu sais, puis le gars, il descend dans la lave, puis t'as le cœur qui brûle à moi, là, il y a pas mal. Ça brûle pas, ça. Ouais, faut dire que les mecs, ils sont tous sous contrôle, parce que ils ont bu une espèce de liquide qui les rend un peu fous, qui les rend un peu drogués, quoi. Bah, justement, on sait pas si ça les anesthésie, si ça les drogue, si ça les convertit, tu sais pas. Je crois que c'est une espèce de truc de liquide qui font que leur cerveau, il soumet, tu vois, un truc comme ça. Donc, il y a ça et les émissions télé sur TF1. Ou la TNT, parce que c'est vraiment de la merde, cette télé. Voilà, quoi. Puis, Indiana Jones, ce qu'il veut faire, c'est d'aller récupérer les pierres. Et puis, voilà, quoi. Mais il se fait avoir quand même. Donc, il se fait prisonnier. Et eux, ils se font avoir. Puis, en plus, il y a tous les pièges entre deux. J'avais pas dit, avec les pointes et tout. Ça c'est très sérieux, ça. Et même là, avec les mécanismes où faut mettre la main dans les insectes. C'est ça. Il y a plein de bêtes. On a une surenchère sur le dégueu, ouais, là, t'as le gueule, parce qu'il faut mettre sa main. Parce qu'ils sont écrasés. Puis, tu vois, le poids qui commence à rentrer dans le chapeau et tout. C'est super bien fait, ça. Puis, t'as ce piège. Finalement, ils se font tout savoir, quoi. Tout seul, prisonnier. Tiens, d'ailleurs, cette scène, elle m'a fait penser au vide ordure dans Star Wars, tiens. Ouais, c'est vrai, en plus. Ah. Hein. Tiens, on va à Star Wars. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Ça faisait une heure. Comme quoi, on est en banque, là. Et donc, il y a cette scène où, ça traîne un peu, mais t'apprends finalement qu'ils recherchent la troisième pierre Sankara dans la mine. Et là, t'as quand même cette image un petit peu très dure des enfants qui sont réunis en esclavage. Là, c'est vrai que dans ce côté-là, c'est un peu plus sombre que les autres, hein, Indiana Jones. Par l'esprit, quoi, je veux dire. L'enjeu, il est pas pareil. Tu vois quand même des gamins qui sont maltraités, qui se font fouetter et tout. Ouais. Bon, c'est dur, quoi, C'est un indice standard dans le Nord-Pas-de-Calais. Non, mais c'est quand même dur au niveau picturage, je veux dire, au niveau symbolique, tu vois. Oui, clairement. Donc lui, 2001, il est là-dedans, un peu par hasard, et puis il y a Indiana Jones qui est fait prisonnier, mais lui, ils lui font boire le liquide, donc du coup, il est prêt à sacrifier la blonde. Je dis, bon, allez, on va se débarrasser d'elle, c'est bon, quoi. Ouais, puis un coup de flamme sur la tête, et il sort de sa torpeur. Ouais, mais ça vient parce qu'en fait, il y a un soldat qui s'est pris un coup de... Il y a une espèce de rocher qui a explosé, qui a eu de la lave qui l'a touché, donc la douleur, ça le réveille, en fait, de cette espèce de... Ouais. Ce qu'il appelle du sommeil de Kali, ce qu'ils appelaient comme ça. Et donc, lui, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il prend la torche, et puis, parce qu'il devient salopard, hein. Il lui fout une claque, il maltraite tout le monde, enfin, ça dure pas longtemps, hein. Je veux dire, on a peut-être voulu qu'il soit un peu plus salopard, quoi, tu vois, ce côté un peu dark le dark side d'Indiana Jones, tu vois. Côté obscur. Mais, il est content de mettre la gonzesse sur le truc en métal. Il dit, ah, bon, on l'a sacrifié, elle va brûler vive et tout, hein. Et puis t'as le gamin qui arrive, puis il essaie de réveiller. Puis l'autre, il dit, qu'est-ce que tu veux? Et puis il fout une tarniole. Puis l'autre, il se rend compte quand même qu'il prend la torche, et puis il réveille, quoi. Puis l'autre, il fait semblant, mais en fait, il s'est réveillé. Puis ça, toute cette scène. Mais moi, ma scène préférée, c'est dans les mines. C'est quand il commence à délivrer tous les enfants et tout, qui est sur les plateformes et tout. Ouais. Ça fait très jeu d'arcade. Ah, ouais, ça fait jeu de plateforme. Là, il prend le fouet. Moi, quand j'étais gamin, j'ai jubilé, quoi, tu vois. Il prend le fouet, il passe d'une plateforme à l'autre, il se bat contre les mecs qui sont assez balèzes, hein. Il se bat contre un gros balèze sur une espèce de... Que l'autre, il finit écrasé, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y a le Marajo qui est avec les poupées vaudou, une espèce de poupée vaudou. Ouais. Mais cette scène-là, je la sauve du film, tu vois. C'est celle que je sauve du film. Après, t'as la scène qui est un petit peu dans la surenchère, c'est la scène des wagons. Ça, c'est complètement... Ah, là aussi, ça fait un peu what the fuck, quoi, tu vois. Ça fait Hugo délire. Ah, mais complètement. À un moment, t'as plus de rame. T'as le wagon qui saute d'un truc à l'autre, avec un crevasse. Bon, après, savoir, heureusement qu'ils vont pas nous faire du coup du wagon qui va tomber dans l'eau, tu vois, qui va tomber d'une falaise, tu vois. Ouais, ils l'ont déjà fait. Vous pouvez pas le faire deux fois. Mais hop, ça tombe, donc le wagon il tombe, et puis t'as cette scène. Et j'aime bien aussi la scène du pont, quoi, qu'elle est un petit peu exagérée. Moi, donc vrai. Il coupe le pont, et puis il arrive à s'attacher, parce que tout le monde il tombe dans les... Puis ils sont bouffés par les crocodiles. Et puis il se bat avec le grand prêtre, là, Molaram. Et puis ils se battent pour les pierres, et puis l'autre il récite son truc, parce que ça allume les pierres, et puis finalement l'autre il tombe, et puis il est bouffé par les crocodiles. Comme ça il peut essayer d'attraper son cœur aussi. Ouais, c'est ça, il essaye de lui arracher, quoi. C'est Harrison Ford, y a pas de cœur. Moi, j'aime bien ce côté avec le sabre et quand il se bat contre les gardes et tout. Ces combats-là, je les sauve du film. Mais sorti de là, après, ça finit qu'il retourne au village et tout. Bon, il s'embrasse. Ouais, puis il libère tout le monde aussi. Ouais, donc une fin un peu plus positive que le premier film, quoi. Bah, une vraie fin. C'est-à-dire que cette fois, tu vois, il rend les pierres. Mais les pierres, en elles-mêmes, je suis pas sûr qu'elles aient un pouvoir magique annoncé, machin, tu vois. Il rend l'artefact du village qui permet, je suppose, d'avoir une position assise sur le village. C'est-à-dire que comme il rend les esclaves, donc il rend les pierres. Donc, ouais, il délivre les enfants, c'est fort important aussi. Voilà, il délivre. Mais je veux dire, il y a moins de, d'images. Moi, je trouve qu'il y a moins d'images mystiques que dans le premier, ou dans le troisième d'ailleurs. Ouais, donc tu veux peut-être développer ton avis sur ce film. Pourquoi tu l'aimes moins que l'autre? Alors, moi, je pense que j'ai quand même traduit le fait que je l'ai trouvé beaucoup moins bon que le premier. Ouais, exactement, ouais. C'est ça le truc. Bah, déjà, il n'y a plus la magie du personnage du premier, parce que tu connais déjà le personnage. Mmh. Ensuite, la quête, elle est locale. Là, ça sauvera pas le monde, ça sauvera une localité. C'est vrai qu'on a deux pays, là. Et après, c'est très... Là, l'humour colonial, il est bien insistant, tu vois. Là, c'est vraiment... bouffeur de cervelle, quoi. C'est homme blanc sauvé tribu, hein. C'est carrément ça. Ouais, c'est ça. Ouais, on est sauveur. Par contre, ouais, il y a des bonnes scènes d'action, c'est pas à jeter. Ouais, il se trouve que le scénar est un peu faible. Ouais, t'as l'impression que des fois, il se pastiche lui-même, Harrison Ford, dans ce film. Je pense notamment à cette scène où il est face à deux gardes. Il rigole, il veut dégainer, mais il n'y a pas de flingue. Ouais, puis il n'y a pas de flingue. Tu vois, mais apparemment, ça fait écho à la scène du premier, quoi. Alors que c'est un film qui se déroule chronologiquement avant, tu vois. C'est le préquel. Ouais, donc, c'est-à-dire que cette scène-là, elle aura une répercussion sur la suite, tu vois. Non, moi, il y a ce côté un petit peu qui me dérange, c'est que, bon, il y a un gros pastiche, des scènes d'humour qui sont quand même dans la surenchère, vraiment, c'est trop défaut. Bon, après, le comique relief de 2001, il est bien dedans. Ouais. Mais sinon, la femme, tu te demandes ce qu'elle fout là, en fait. Ah non, mais c'est le pire. Je crois que c'est le pire de tous, hein, ouais. L'actrice, là. Ouais, je t'ai dit, au moment où il voulait l'acheter dans la lave, c'est le seul moment où j'ai dit, ouais. Non, mais vas-y, hein. Ouais, mais même conscient, vas-y. Reste là, quoi. Bon, après, elle gueule plus trop, donc ça va. Après, cette scène-là, elle est plus aussi, je vais dire, sirène hurlante que ça. On trouve plus de défauts dans ce film-là que dans le précédent, quoi. Après, voilà, déjà, t'as la magie en moins, puis j'ai l'impression qu'ils ont sorti un film pour faire une suite, pour surfer sur le succès. Ouais, tu penses c'est plus une suite commerciale, quoi. À part, je te dis, les passages en wagon, enfin, je sais pas, les canoës, machin, je trouve pas forcément de la nouveauté dans ce film-là, ce qui est pas du tout le cas dans le troisième. Dans le troisième, il y a plein de nouveautés. Puis t'as l'impression d'avoir cet esprit de jeu d'arcade, tu sais, des fois. Ah ben, à un moment, tu te dis, c'est un jeu vidéo. Il passe d'une plateforme, il va sur un truc. Soit ils ont commandé un jeu vidéo, puis ils ont fait le film en fonction. Ce qu'il va y avoir, d'ailleurs. Soit ils ont fait le film, puis ils ont dit, bon, mettez-moi ça en vidéo. Il faut des scènes d'action pour des plateformes, tu vois. Ouais. Mais elles sont bien faites, mais c'est Spielberg, donc déjà, tu vois qu'il y a la façon de filmer dans les scènes d'action. Mais bon, apparemment, Spielberg a quand même regretté de l'avoir fait, ce film. Il l'a dit lui-même, il dit. Il a payé ses impôts. Le temple maudit, enfin, je pense que maintenant, il va dire, le crâne de cristal. Tu vois. Je connais pas, faut qu'il m'en parle. Donc, à mon avis, je vais dire quand même que je l'ai rehaussé parce que il y a le 4 derrière. Donc finalement, c'est pas un si mauvais film, même s'il est inférieur aux autres, tu vois. Finalement. C'est le problème. Dans le niveau de médiocrité. Tellement que l'autre y a chier, ça passe. Je vais dire, il cadre bien avec les autres, mais il est inférieur, tu vois. Ouais, il est inférieur. Ouais. Il est clairement inférieur aux autres. Il y a beaucoup de défauts, moi. Et dans la réalisation, dans le scénario, et dans le jeu d'acteur. Voilà, donc je parlais de tournage. Bon, il y a des tournages au Sri Lanka, comme j'avais dit, encore à Macao pour les scènes de la scène d'ouverture et les studios d'Elstree. Alors il y avait quelques influences de films. Il y a notamment un film qui a énormément d'influence sur tout le côté esthétique. C'est le diptyque Le Tigre du Bengale et Le Tombeau Hindou, qui est réalisé en 1959 par Fritz Lang. Fritz Lang, tu connais peut-être pas. Fritz Lang, c'est le réalisateur de Metropolis. Je sais pas si tu connais Metropolis. Oh, ça me parle. J'ai pas dû le voir. L'un des plus grands films de science-fiction, même si c'est en muet, c'est un film muet. Hein. Donc c'est un film qui a quand même pas mal posé les bases de la science-fiction, hein. Que ce soit pour Blade Runner, que ce soit pour Ghost in the Shell, je veux dire, Metropolis, c'est la référence absolue, hein. Même pour Star Wars, hein, parce que le robot qui apparaît dans Metropolis, il a inspiré C-3PO, donc c'est pour te dire. Puis là, il était un petit peu parti sur un scénario de la légende au début, c'était la légende du roi singe, je sais pas si tu connais cette légende. Hanuman? Non, le Sun Wukong, le roi singe, en fait. Comme Son Goku, quoi. Ouais, c'est ça. C'est roi singe, c'est une vieille légende chinoise. Ouais, il y a d'ailleurs des films qui sortent là-dessus. C'est un prêtre, un cochon, un roi singe et je sais plus la quatrième personne qui voyage en fait et puis ils vivent des aventures. C'est ce qui a donné d'ailleurs la légende de Sangoku. Sangoku vient de son carabine. Inspiré de Dragon Ball. Ouais. Vient de là. Dragon Ball s'inspire de ça. Et en fait, c'est très très très connu en Chine. Enfin, au pays Asie, voilà, très connu. Par contre, très confidentiel. On va dire dans les pays civilisés comme le nôtre. Je connaissais pas trop ce mythe, mais bon, c'est l'histoire d'un singe qui naît sur Terre, qui est un petit peu, on va dire, d'ascendance divine, mais il est pas immortel. Hein. Donc à un moment, il se rend dans un palais où il y a le jardin des pêches d'immortalité. C'est d'ailleurs un scénario qui reviendra pour une piste pour le troisième film. Et donc lui, il est un petit peu arrogant et tout ça, et il finit quand même par retrouver un petit peu d'humilité parce qu'il doit travailler pour il doit se joindre à ce voyage dont tu parlais tout à l'heure, et il travaille pour le moine et il connaît une certaine rédemption, quoi, finalement. Mais c'est super, ça a l'air d'être super intéressant comme mythe, hein, le roi singe. Voilà, quoi. Puis bon, je parlais un petit peu du troisième film, bah allons-y gaiement, hein. Indiana Jones, c'est la dernière croisade, sortie en 1989. Indiana Jones and the Last Crusade. Donc, toujours réalisé par Steven Spielberg. Qu'est-ce qui domine le casting là-dedans? Bah, c'est l'immense Sean Connery, bien sûr. On en a parlé il y a pas longtemps. On a fait notre petit hommage. J'irai pas jusqu'à dire que c'est lui qui fait tout le film. Pour moi, il y a égal avec Harrison Ford. Oh, il est au-dessus d'Harrison Ford. Il est au-dessus. En termes de jeu, tu veux dire? Pas nettement. Ouais. Mais voilà, au niveau charismatique. Moi, ils sont sur le même plan, quoi, tu vois. Alors que dans le premier, dans le deux, il y a Harrison Ford est largement au-dessus des autres. Oh oui, il y a que Harrison Ford. Mais là, Sean Connery. Il se partage la vedette. Hein, mais là, c'est obligé. T'as le père et le fils, ils ont la vedette. Ah, puis un super duo, quoi. Ça marche super bien. Mais bon, pour commencer, on a déjà cette scène qui se déroule en Utah en 1912. Donc, on a déjà les prémices du jeune Indiana Jones, hein, quelque part, qui est joué par River Phoenix. Lui, donc, il recherche la crotte Coronado. Donc, il poursuit. Il y a avec des pilleurs de tombes, tout ça, des pilleurs de trésors. Et il y a une espèce de course qui est pas mal faite. Hein, ça finit sur le train. Là, par contre, j'ai trouvé dans cette intro, c'était un peu vite balancé le Origins, on va dire, entre guillemets, parce que t'as la cicatrice sur le menton, sur le menton. Ouais. T'as l'usage du fouet, ouais. Et puis t'as la peur des serpents. Quasiment toute la même scène, quoi, tu vois. Ouais, puis son antagoniste aussi, donc il va toujours perdre ouais. lui, quoi. Il lui donne le chapeau, quoi, tu vois. Aussi. Et justement, je trouvais que cette transition n'était pas trop mal amenée parce que il lui met le chapeau, il baisse la tête, puis quand il se relève, c'est Harrison Ford. Et qui se fait tataner sur le bateau pour récupérer cette croix, qu'il récupère finalement parce que ce qu'on n'avait pas dit dans le premier, c'est qu'il avait perdu l'idole qui était dans le temple. Ouais. C'était Belloc, le traître français qui... C'est français, c'est traître. Donc là, il récupère la croix de Coronado, il la ramène à son ami Marcus Brody, qu'on avait un petit peu vu dans le premier, là, exactement. Son directeur de d'université. Directeur d'université, ouais. Ou aussi directeur du musée, on a du mal à dire. Ouais, ouais. Et donc, il le ramène et il est super content, et là, ça marche bien. Et cette fois, là, il reçoit une espèce de paquet avec le journal de son père dedans. C'est un peu le point de départ de l'intrigue. C'est-à-dire que son père recherche le Graal depuis qu'il est jeune, Indiana Jones. Donc, exactement. Il y a une vingtaine d'années, quoi. Il dit clairement que c'est le travail de la vie de son père, quoi. Parce qu'il faut rappeler que son père ça s'est précisé plus dans la série, c'est qu'il est professeur d'historique médiévale et qu'il fait beaucoup de conférences dans le monde. Donc, on développera un peu plus dans la série que tu adores. Mais voilà, quoi. Mais voilà, quoi. C'est un premier indice. Je pense que c'est une espèce de tremplin vers la série, ce film-là, quelque part. Voilà, quoi. Donc, il va cumuler les indices et il y a un milliardaire qui s'appelle Donovan qui vient le voir et qui lui demande de partir à la recherche de... Il lui montre une table avec des inscriptions et lui dit il faudrait trouver la deuxième partie. Donc, il part à Venise et là, il rencontre cette charmante scientifique qui est Elsa Schneider qui est jouée par Alison Doody. Et là, bon, on voit Indiana Jones, c'est le charmeur, quoi, tout de suite. Hein. Il essaye, quoi. Ouais, il pensait que ça... Ouais, il pense qu'à ça, lui. Hein. Ouais, ouais. C'est un peu le Tom Holland. De phare franc en On va pas lui donner tort, hein, parce que c'est vraiment une belle femme. Et je veux dire, c'est que ils vont dans le musée, enfin dans la bibliothèque à Venise. Ils arrivent quand même à trouver l'indice. Il y a une expression qui dit un X n'a jamais marqué un endroit. Bah si, justement, là le X marque l'endroit. Ouais, là, c'est... Donc ils creusent et puis ils vont dans les catacombes. Et puis il y a toute une aventure avec des rats et tout. Ah, exactement. Ouais. Et puis ils arrivent quand même à trouver la tombe du chevalier. Ouais. Ils décryptent et tout. Et bah il y a les fanatiques d'une secte, je sais plus de laquelle secte. Ah, le nom de la secte, je ferais plutôt le dire. Qui veulent pas qu'ils trouvent le Graal. Voilà, exactement. Donc c'est cette poursuite à Venise et puis il y a cette superbe cette poursuite en bateau là qui finit entre les bateaux là. Exactement. Puis t'as l'espèce de la grosse hélice qui va pulvériser les bateaux. Ouais, qui est en train de pulvériser le bateau. Là t'as peur pour le personnage, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'épisode d'avant. Non, c'est sûr. Mais là t'as vraiment une scène de suspense, il dit mais il a vu qu'il est en train de se faire broyer le bateau là. Il est en train de lui dire qu'est-ce que tu veux, tu vois, il est en train de malmener le mec. Et puis finalement il le relâche et puis il lui dit ton père il est au château de Brunwald en Autriche, je crois, ou un truc comme ça. Oh, pour moi en Allemagne. Sur les clichés. Là, il y a une scène un petit peu humoristique où il fait passer la gonzesse pour son boy. Il assomme le gars et puis il fout dans le truc. Puis là, il y a un peu abandonné l'idée de retrouver le Graal. Hein. C'était son père qui voulait retrouver avant tout. Hein. Ouais. Donc c'est pas que la quête du Graal, c'est la quête. Il faut retrouver le père. Faut retrouver le père parce qu'il a des éléments pour finir la quête. 4. Ouais, mais faut retrouver aussi, faut retrouver aussi le père spirituel aussi, je veux dire. Voilà, le père spirituel, ouais. Puis les éléments du journal. C'est pour que le fils accomplisse la tâche du père. C'est ça. C'est la symbolique. Hein. C'est la passation de relais, quoi. Passer le relais, exactement. Ouais. Donc là, il passe d'une fenêtre à l'autre. Elle est pas mal aussi, cette scène, quand il rentre. Puis évidemment, t'as la première apparition d'Henry Jones. Elle est hilarante. Il y a son fils avec, parce qu'il croit que c'est un nazi. Ouais. Puis après, il lui montre le vase. Il dit, regarde, c'est une copie. On voit, c'est le grain. Tu vois, le mec spécialiste, quoi. On voit, c'est le roi bibliothèque. C'est pas du tout le mec de terrain, quoi. On le voit tout de suite, quoi, tu vois. Ouais, puis dans sa façon d'être aussi. Ouais. Ouais, quand il y a les poursuites et tout, il est toujours stoïque, tu vois. C'est... Ouais. Et à puis peine s'il regarde pas sa montre. Mais c'est tout l'inverse des rôles de Sean Connery, il n'y a plus avant. Exactement. C'est le gars, le baroudeur, le mec costaud, bah, quoi. Et là, c'est le, bah, comme tu dis, le roi de bibliothèque. Ouais, ouais, et, tout l'inverse de, ouais, de... Ouais, voilà. C'est une interprétation qui est vraiment tout en finesse, quoi, tu vois. Encore quelqu'un qui s'est joué plusieurs rôles. C'est ça. Limite, on dirait pas que c'est Sean Connery, mais tu dirais, ah, c'est Sean Connery, c'est vraiment Sean Connery, parce que il est complètement effacé derrière son personnage, quoi. Ouais, puis je sais pas, il y a cette substance de personnage, tu vois. Ouais. Enfin, il le vit, le rat de bibliothèque. Il y a une telle profondeur dans le rôle, quoi, tu vois. Ah, il est investi, c'est clair. Puis après, t'as toute cette scène où il y a des quiproquos, les Jones, ils lèvent la main, ils sont prisonniers. Alors, elle est pas mal, cette scène, avec le, quand ils sont sur le siège. Dans la cheminée. Là. Il dit, c'est pas le moment de faire du sentimental, père. Alors que l'autre, ils sont briqués. Alors, le briquet, il tombe, ça prend tout partout. Ils sont obligés de... Ils font un tourniquet avec, dans la cheminée. Là. Puis t'as l'autre qui gueule. T'as l'autre qui tire dessus parce qu'il rigole, mais après il y a le bâton là pour tourner le bazar, parce que c'est une trappe secrète apparemment. C'est une trappe secrète qui mène vers la salle des communications. Et là t'as toute cette, finalement il trouve un escalier parce qu'il y a un peu maladroitement il trouve cet escalier. Carrément maladroitement depuis le hasard. Super poursuite qui est un petit peu médiévale quelque part avec le, il prend l'espèce de truc avec le drapeau là. Puis ils font tomber les sidecars. Ouais, c'est génial cette scène. À la limite du duel de chevalier. C'est génial, quoi. Puis après il veut aller vers en Jordanie, je sais plus là, pour retrouver Marcus et Salla qui sont là-bas. Je me rappelle plus du pays, mais je sais qu'ils doivent. Voilà, quoi, il y a un canyon et tout ça. Mais ça ressemble fort aux ruines de Petra d'ailleurs. Mais le problème c'est que Elsa Schneider elle avait récupéré le journal. Donc il dit, si t'as pas le journal, tu pourras pas passer les épreuves. Puis il y a toute cette discussion un petit peu tendue avec le père et le fils, quoi, tu vois. Un peu aussi. Donc il met une gifle parce qu'il dit, t'as été un peu trop loin, quoi. Mais on voit l'humilité d'Harrison Ford dans le jeu, hein, quand même. Même quand il s'énerve, Henry, on dit, c'est vrai que t'as été un peu loin, quoi. Et finalement, au lieu de s'échapper, ils vont dans la gueule du loup, carrément, parce que en plus, c'est un défilé où il y aura Hitler, il y aura tous les nazis quasiment, tu vois. Donc c'est vraiment la gueule du loup. Vraiment dans la gueule du loup, là. Donc il retrouve quand même assez vite, je trouve, Elsa Schneider. Et là, c'est un petit peu facile au niveau scénario. Faut bien aider le scénar. Ouais. Mais après, justement, il est entraîné vers la foule. Donc il se retrouve devant Hitler. Ouais, avec le journal. Il fait un dédicace. Là, tu crois qu'il va brûler son livre. Ouais. Et là, il y a Hitler qui, c'est ça, encore une caricature. Et puis il y a Hitler qui signe le journal. Oui, il est sympa. Oui, il est bien. J'aurais bien aimé le connaître. Un point Godwin pour moi. Bon, Hitler, si tu nous écoutes. Du fond de ta tombe. On va striker, un truc comme ça. Non, mais bon, c'est bien que c'est de l'humour. J'espère qu'ils vont pas prendre. Voilà, quoi. Donc Hitler, il signe et puis dégagé, quoi. Parce qu'on croyait que. Ce passage-là, il était top. Hein. Il est hyper tendu, quoi. C'est hyper tendu comme te. Il filme Harrison Ford plus bas qu'Hitler, tu vois. Ouais. Pour montrer que c'est le Führer, quoi. Qu'il y a de la prestance. Ouais. Et puis, il prend le carnet, il signe, il dit, un fan, enfin un truc dans le genre, et il rend le carnet. T'es pété de rire. Parce que c'est hyper tendu comme scène. Il détend de la scène. Il est amené vers le. Il est poussé, il peut même pas s'en sortir. Quoi. Ben justement, tu vois, il est poussé, tu dis non. Puis au moment, quand il est de lui, tu dis tain, il est foutu. Puis quand il signe le machin, tu le dis. et du coup tu dis c'est une bonne scène. Ça c'est Spielberg, quoi, c'est Spielberg, quoi. Il veut mettre une scène comme ça. Après, Spielberg qui peut ridiculiser un nazi, il fait de toute façon, il fait beaucoup dans ses films dans les Indiana Jones. Voilà, quoi, donc il retourne dans ce pays là où il y a Salla et Marcus. D'ailleurs le rôle de Marcus est un peu plus développé que dans le premier. Il était quasiment il participe un peu plus. Un peu figuration. Marcus dans le premier c'était un ils servaient à rien, quoi. Ouais, ouais. Mais là, il y a un peu plus dans le rôle du. En plus, c'est une longue connaissance à Henri, en fait. Ouais, puis c'est un comique relief. Ouais, aussi, c'est hein. ça, en fait. Ouais. Parce qu'il fait un peu le mariole, hein, sur les chevaux, sur le, ouais. le char, tout ça. Il y a cette magnifique poursuite qui fait un petit peu écho, je trouve, avec le cheval et le camion. Là, t'as le cheval et le char. Voilà, et le tank. Ouais. C'est pas trop mal fait. Il y a un moment de suspense où il est accroché au canon. Ouais. Où il va passer il va vers la falaise. Oh, des rochers, là, il s'en prend plein la gueule, tu vois. Mais il réussit quand même. Et puis t'as toujours un suspense où il faut sauter avant que le nazi, que le grand, parce qu'il y a un grand méchant nazi aussi là-dedans. Hein, Ah bah ouais. Ouais, ouais. J'ai oublié de parler de la scène du zeppelin, en fait, entre deux. Là, ah ouais, avec l'avion. C'était pas trop mal. Ça. Mais ça, c'est mal foutu au niveau des effets spéciaux. Qu'est-ce que ça se voit? C'est moche. Bah, c'est quand même compliqué à pas descendre un vrai zeppelin. Non, mais je veux dire, t'as un arrière-plan avec le zeppelin, et puis t'as la maquette de l'avion avec Henri et Indy. Ouais. Mais c'est moche au niveau des raccords et tout. Au niveau esthétiquement, c'est moche. C'est ouais, mais c'est dur à tourner. Hein, J'ai trouvé. Non, c'est une faute de goût, quoi, à la rigueur. Et puis t'as cette scène où il lui dit 10 heures, puis l'autre il regarde sa montre. C'est vrai, il regarde sa montre. Mais c'est dans la bibliothèque, il doit connaître. Enfin, je veux dire. Et après il tire, et puis, on a un gros problème. Il abat la queue de l'appareil. On a un gros problème. Indy, ils nous ont eu. C'est lui qui vient de désinguer son propre appareil. C'est excellent, quoi. Puis après, il s'écrase. Là, c'est une de mes scènes préférées parce que ils sont vraiment acculés face à un avion qui, il va les mitrailler, il va les tuer. Puis t'as Henri qui a un éclair de génie là-dedans, mais j'adore cette scène. Puis il commence à faire, et puis t'as tous les avions, les mouettes. D'ailleurs, j'ai la mouette là. T'as les mouettes qui rasent l'avion, t'as l'avion qui se casse la gueule. Puis là, t'as le regard vraiment affectueux d'Harrison Ford envers son père. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Ouais. Il dit, parce que t'as Henri, il fait avec son parapluie. Il dit, je me suis souvenu de Charlemagne, tu sais, un truc comme ça. Puis t'as Harrison Ford, tout qui passe dans le regard, il dit, c'est vraiment un homme extraordinaire, quoi. Tu vois, le truc affectueux, quoi. C'est vraiment une des plus belles scènes du film. Donc, je reviens à cette histoire de, il tombe dans le, là, c'est super mal fait aussi. Quand il tombe, il y a le nazi, là. On voit l'arrière-plan, c'est dégueulasse, je trouve. Ouais, je me rappelle plus trop, faudrait revoir la scène. C'est vraiment une scène qui dure deux secondes, mais c'est vraiment mal foutu. Puis après, t'as le char qui se casse la gueule, on voit bien que c'est une maquette, mais bon, ça va pas. Je veux dire, il s'écrase, mais il explose pas, enfin, il se décortique pas, tu vois. C'est pas une belle explosion. non, mais même, on voit qu'il part pas en morceaux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, ça fait boum, et puis c'est un peu comme le cadeau dans le 2, quoi. C'est un peu une brique, hein. C'est ça, on dirait une brique. Donc après, il continue, puis il découvre que le temple du Graal, il est dans une espèce de falaise, quoi. C'est bien fait. Je pensais au temple de Petra. C'est un site Petra en Jordanie, justement. Exactement. Qui est taillé dans la roche, hein. Taillé dans la roche. C'est un sacré travail d'orfèvre, hein, quand même. Et donc, il rentre là-dedans, et puis ils voient qu'ils sont pas au premier essai, quoi. C'est-à-dire qu'ils envoient l'indigène. La dizaine de se faire couper la tête, quoi, quasiment. Mais c'est complètement ridicule, parce que s'ils en envoient 10, qu'ils seront coupés la tête, comment ils vont faire? Ils vont en envoyer 30 comme ça. Ouais, mais c'est des méchants, les Allemands, hein. Alors, t'as Donovan, qu'on a découvert que c'est un traître, entre-temps. Puis t'as Elsa aussi, qui est du côté des nazis. Ouais, ça, tu le sais, parce qu'elle parle en dormant, et les deux, en gros, c'est les deux. Donc, elle a couché avec tout le monde, apparemment. C'est pas vraiment une scientifique, c'est plus une espionne. Ouais, c'est une espionne, en fait. C'est une espionne. Ouais. C'est Black Widow. Ça tombe bien qu'il se fasse prisonnier, parce qu'au moins, il y aura les indices dans le journal. Donc, Jazz aussi, non, j'irai pas. Ouais, mais le problème, c'est que Donovan, il tire sur Henri. Exactement. Et donc, Et maintenant, il est obligé d'y aller. Le compte à rebours est enclenché, on va dire. Ouais. Parce qu'il va mourir. Et, donc, t'es obligé, il est forcément obligé. Donc, comme c'est qu'un malin, il va suivre les trucs. Puis là, c'est vraiment qu'il y a un énorme moment de suspense, hein. Ouais, puis il y a un lien psychique entre les deux, tu vois. Tu dis, qu'est-ce qui va arriver, quoi? Parce que le père, il arrive à voir ce qui arrive au fils, malgré qu'il soit pas avec lui. Ouais, ouais. Tu sais pas ce qui va arriver, il y a un énorme moment de suspense dans les épreuves, hein. Tu dis, qu'est-ce qui fait que l'autre, il perd sa tête? Puis t'as deux gros trucs qui arrivent. Donc il arrive à passer, il met la corde, enfin, je comprends pas, la corde elle est un peu usée, quoi. Donc apparemment le mécanisme il va quand même et après t'as les dalles, mais là c'est un peu incohérent, les dalles. Ouais, le truc de la foi, ouais. Où en fait c'est dallé, mais il y a que des pylônes sur certaines lettres. Donc lui il se plante de dalles, donc il a sa main. Ouais, alors que... explique-moi pourquoi quand il se plante Y avait, ça commence par un J, pas par un I. Ouais, mais les dalles elles sont sur un socle, enfin tu vas me dire, je vais essayer de trouver des explications cohérentes à un film qui est fantastique déjà à la base. Ça va être compliqué. Ouais. Donc voilà, quand il tombe, et puis dans une scène coupée, justement, il se relevait, et puis il y avait une araignée qui grimpait sur le dos. Mais bon, donc ça c'est la deuxième épreuve, il la passe, mais après t'as l'épreuve du saut de la foi. Ça c'est le pire, je trouve, parce qu'il faut y aller, hein, pour mettre ton pied, puis il arrive à la quatrième. Enfin, il y a une quatrième épreuve. Ouais, une grande illusion d'optique, en fait, le saut de la foi, c'est tout. Hein. En fait, il balance, il y a juste à balancer quelques du sable. Quelques grains de sable. Il aurait pu commencer par là. comme dans le premier, quand il met le sable dans le sac, là, tu vois. Exactement. Ouais. Et il arrive, et puis il y a le vieux chevalier qui a, je sais pas, 600, 500 ans. Soit Perceval. Ouais, je sais plus, mais c'est un chevalier de. Ah, c'est un vieux. Un croisé, quoi, un vieux croisé. Celui qui a trouvé le Graal. Qui doit le protéger, quoi. Puis il y a plein de peaux et tout, donc tu dois choisir entre tous. Puis c'est vrai que le choix est difficile. Ah, pilote, il choisit. Pilote, il arrive, hop. Quel très bon archéologue. Hein, ah, bah, je vais le prendre. Je vais le prendre, la scientifique, elle lui dit, mais je suis sûr qu'elle l'a fait exprès. Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès de lui faire choisir le mauvais truc. Et il dit, ah ouais, c'est le vase d'un roi. Ouais, avec plein de bijoux. Ouais, donc, très riche, très fast. Donc là, tu le bois. Puis t'as l'effet gore de, l'effet gore du film, quoi, comme dans les autres. Ouais. Alors là, il perd sa peau, il vieillit, puis il devient tout squelette, puis il explose sur le mur, et puis voilà, quoi. Voilà. Donc, ce n'était pas un choix très judicieux. Il a bien mal choisi. Puis après, t'as Indiana Jones, bien sûr. Bon, il peut pas mourir, Indiana Jones, hein. Donc il dit, ouais, à mon avis, c'est pas une coupe qui doit être très riche. Il dit, voilà, ça a été récupéré, et puis il devait être charpentier, ouais. Du coup, il prend la coupe en bois. Donc il prend la plus simple, quoi, en fait. La coupe en bois. Ouais, ouais. Puis il plonge, et puis, tu as choisi judicieusement. Heureusement, parce que tu serais mort. Donc voilà, quoi. Puis, mais le problème de la coupe, c'est que. Son champ d'action est t'es limité, immortel, mais. Mais dans il faut un rester, certain champ il faut d'action. Rester dans un, ouais, c'est ouais. Ça, ouais. Tu peux pas sortir non, du temple. Non, ce qui n'a aucun intérêt. En fait, juste pour qu'il garde la coupe. Quoique le mec, il vieillit quand même pas beaucoup. Hein, je trouve, pour un mec qui est immortel, il vieillit quand même. Mais bon, voilà quoi. En fait, c'était pour sauvegarder l'immortalité du gardien, c'est tout. Quoi. Ouais, puis il faut dire aussi cette scène à la fin où la coupe, elle tombe dans le limbe, on sait pas quoi. Ouais. Puis que Indy veut la choper et qu'il va crever comme la femme qui ouais, l'espionne qui la coupe, voulait la rattraper. Ouais. Elle voulait aller jusqu'au bout, elle est tombée. Elle lui dit, ah, je l'ai presque, j'ai pèse. Et là, c'est son père qui le sauve en disant. Mais il dit, Henri. Laisse tomber. Ah, Indiana. En fait, il le ramène à la réalité. Il ramène à la réalité. Indiana. C'est parce qu'il a rempli son objectif, il a soigné son père. Ouais, parce que c'est vrai qu'on l'a oublié de le dire, mais il l'appelait tout le temps Junior, et ça il déteste Indy, ouais. Qu'on l'appelle Junior. Et pourquoi il s'appelle Indiana? Ah ouais, ça c'est après la fin. Ouais. Ouais. Pourquoi il s'appelle Indiana? C'est le nom du chien. C'est le nom du chien. Et en fait, c'est le nom du chien de Lucas en fait. C'est pour ça que il a pris ce truc-là. Et Indiana, c'est le. Ouais. Et voilà quoi. Donc il y a Salo qui se moque de Indy. J'ai des souvenirs très émouvants de ce chien. Donc après t'as cette espèce de scène iconique à la fin. De grand final. On ouais. Est d'accord. C'est un grand final. C'était le final qu'on attendait quoi. Vers le soleil couchant. Ouais. À la Lucky Luke. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. L'histoire elle est finie. La trilogie elle est finie. T'as les quatre cavaliers qui partent vers le soleil couchant. Voilà. Les quatre cavaliers. La mission est accomplie. On part au soleil couchant. Ouais. C'est tout quoi. Puis il y a la réconciliation entre le père et le fils quoi. Ouais. Et puis il a compris l'œuvre de la vie du père, puis il a accompli, il a passé le relais à son fils, officiellement, cette fois-ci. Voilà quoi, c'est un super final, et puis on n'avait pas besoin de ce quatrième, mais... Voilà, c'est tout pour les films on va passer aux jeux vidéo, et il y aurait la série. Il n'y a rien d'autre à dire, voilà, c'est tout. Légèrement inférieur au premier, vraiment de peu, quoi, tu vois. Oh, moi, je préfère encore le troisième que le premier, mais... Ah ouais, t'as une préférence pour le troisième? Je suis parti pris. À cause de Sean Connery? À cause de Sean Connery. Ouais, moi, je vais dire que j'ai une préférence pour le premier, et puis le 2, mais vraiment pas loin, quoi, tu vois. Parce que le 2... non, le 2, je peut-être raconte. Parce que le 3, il y a de la nouveauté grâce au père. Ouais, mais il y a l'esprit de la nouveauté. Il y a dans le premier, c'est vraiment une espèce de fraîcheur qu'il y a dans le premier, ouais, tu vois. Clairement. C'est l'inédit. Le premier, c'est inédit. Les aventures de l'Arche perdue, d'ailleurs, qui a été renommée. Indiana Jones, c'est les aventures de l'Arche perdue, parce qu'apparemment, il y en a qui faisaient la confusion, qui est complètement ridicule, mais bon. Ouais. Mais voilà, quoi. Bah, je crois que on est bien lancé là, et puis on va faire une petite pause avant de reprendre sur ce triste quatrième épisode. Non, il y a pas. Alors après, on va prendre sur l'univers des jeux vidéo. Donc on va couper là pour. Et pour on va se retrouver donc après pour vous parler du meilleur du. The best is. Le meilleur du troll, on va dire.